Ils vont gagner du terrain aujourd'hui. On attend déjà 21 à 25, voire localement 26 degrés du côté de la Campine. Demain et après-demain, on sera au-dessus de ces valeurs 23, 28, 23, 29 pour mercredi et jeudi. Et puis vendredi, samedi, 21 à 25 degrés à nouveau. Donc quelques belles journées devant nous. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et à quelques jours de la rentrée universitaire, en Polytech, les futurs étudiants passent leur examen d'entrée ce matin. Oui, une partie de cet examen en tout cas, puisqu'aujourd'hui ça va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à certains, c'est l'épreuve de trigonométrie qui est au programme. Une épreuve qui se déroule en même temps dans toutes les facultés de Polytech de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À Mons, Simon va s'installer dans l'auditoire d'ici une demi-heure avec 129 autres étudiants. Pour lui, c'est clair, cet examen d'entrée est stressant, mais il peut aussi éviter de perdre un an. Logiquement, c'est de la matière qu'on connaît déjà, vu qu'on l'a vu à l'école, mais les exercices sont poussés à l'extrême. C'est une difficulté qui nous est jamais imposée dans les exercices qu'on fait à l'école, donc c'est en même temps assez différent. Oui. Ça permet d'avoir une idée de la rigueur demandée par l'université, et ça permet aussi, de, par exemple, si on rate, de ne pas avoir perdu un an à étudier la matière. Je pense qu'on est moins frustré en ratant un examen d'entrée qu'en ratant des examens de première année, par exemple. Oui, Simon fait référence, on l'imagine, au concours de fin d'année pour les premières années médecine en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un concours très contesté. Le Conseil d'État l'a invalidé il y a quelques semaines. Et les étudiants de médecine qui l'ont raté viennent d'intenter une action en justice pour obliger les universités à les inscrire en deuxième année. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas organiser en médecine un examen d'entrée, comme c'est le cas depuis très longtemps en Polytech. Baptiste Tupin, vous trouvez à Lumons. Et vous avez posé la question au recteur de cette université. Oui, effectivement. Et le recteur de l'Université de Mons fait une distinction importante dans cette question. Pour les ingénieurs, l'objectif de l'examen d'entrée, c'est de vérifier les aptitudes des étudiants, vérifier que l'étudiant a bien le bagage nécessaire pour entamer ses études. Tout étudiant qui obtient plus de 50% à cette épreuve peut donc commencer ses études d'ingénieur. Le taux de réussite en Fédération Wallonie-Bruxelles de cet examen d'entrée, il oscille autour des 70%. En médecine, par contre, le premier objectif d'un examen d'entrée ne serait pas de vérifier les connaissances de l'étudiant, mais bien d'effectuer une sélection à l'entrée afin de coller au nombre de numéros INAMI distribués pour les futurs médecins par le fédéral. L'idée, ce serait donc de contingenter les étudiants. Il s'agirait, si cette option est retenue, d'un concours d'entrée et pas d'un examen d'entrée. Concours d'entrée qui ne donnerait accès aux études de médecine qu'à 10 ou 15% des meilleurs. Et les opposants au système du concours d'entrée craignent que seuls les étudiants les plus favorisés aient encore accès à ces études de médecine. Voilà pourquoi ce possible concours d'entrée en médecine fait polémique, alors que l'examen d'entrée en polytechnique est communément accepté. Merci Baptiste pour cet éclairage. La fermeture de Caterpillar qui s'invite ce matin à la Chambre. Oui, les députés entendront les syndicats, pas le patron belge qui a décliné l'invitation. Le licenciement des 2000 ouvriers de Caterpillar sera aussi à l'ordre du jour du Parlement wallon. Marc Sirlero, le monde politique à tous les échelons semble vouloir prendre très vite ce dossier à bras-le-corps. Oui, visiblement, dans ce dossier hautement symbolique et très douloureux en perte d'emploi, aucun des deux parlements ne voulait apparaître à la traîne par rapport à l'autre. Dans le même temps, vu les compétences relevant spécifiquement des régions et du fédéral, il est logique et cohérent que les deux niveaux de pouvoir s'emparent ensemble du dossier Caterpillar. Et surtout, qu'ils veuillent collaborer. Paul Magnette comme Charles Michel savent que l'usine est condamnée et que tout miser sur un hypothétique repreneur ne sert quasiment à rien. Maintenant, le temps presse pour préparer la reconversion qui sera longue, inévitablement. Aujourd'hui, dans les deux assemblées, on reparlera à coup sûr des bienfaits du plan Marshall au niveau wallon, de la baisse des charges au niveau fédéral. Certains mettront aussi sur la table les dérives du capitalisme ou le manque de compétitivité en Belgique. Mais l'objectif se doit d'être le même, sauver ce qui peut l'être et préparer l'avenir. Pour Charleroi, après la fin des mines et le déclin de la sidérurgie, c'est un nouveau défi gigantesque. Et pour les travailleurs de Caterpillar qui songent déjà à leur reconversion, la STIP rappelle ce matin qu'elle recrute ouvriers techniques, électromécaniciens, ingénieurs. Ces profils sont recherchés car en pénurie à la STIB, des postes d'informaticiens pourraient aussi intéresser des travailleurs d'AXA qui a annoncé une restructuration hier. Toutes les offres d'emploi se trouvent sur le site stib.be. Pas ou peu de courriers dans les boîtes aux lettres ce mardi à Braine-l'Alleud, Waterloo, Tubize et Braine-le-Château. Les facteurs ont débrayé après avoir distribué les journaux. Une nouvelle version du système Géoroute pose de gros soucis d'organisation selon les postiers qui réclament aussi plus de personnel. Une réunion d'urgence du comité régional de concertation doit débuter en ce moment pour débloquer la situation. La commission parlementaire Attentat se réunit aujourd'hui. Elle doit fixer l'agenda des auditions à venir dans le deuxième volet de ses travaux. Le premier était consacré à l'intervention des secours. Celui-ci concerne l'enquête. Il s'agira de déterminer s'il y a eu des failles dans la surveillance des auteurs des attentats. La réunion se tiendra à huis clos. Et après les attentats, vous le savez, des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité, notamment à Bruxelles. Des mesures aussi pour lutter contre la radicalisation. C'est ce qu'on appelle le plan Canal. En tout, 145 policiers doivent renforcer des zones de police dans la capitale. Nous en sommes à la deuxième phase qui doit ramener 70 nouveaux agents. Le problème, c'est que ces policiers sont rarement mutés à leur demande. Du coup, sur le terrain, eh bien, il y a des ratés, comme Hélène Maquet a pu le constater. Depuis deux mois, l'inspecteur Paris Santello sillonne les rues de Molenbeek. Je travaille comme agent de quartier. Sa nouvelle affectation est arrivée de manière abrupte. J'ai été prévenu quelques jours avant. Voilà, ça c'est malheureusement l'un des soucis du plan Canal. La façon dont il a été mis en place est très brutale. Pour beaucoup de collègues, c'est très difficile. J'ai ici dans le bureau quelques collègues qui travaillaient à Liège, qui vivent dans les environs de Liège et qui, en une semaine, ont dû pratiquement changer toute leur vie et leurs horaires pour venir travailler ici. À la zone de police Nord, le chef de corps, Frédéric Dauphin, vit les mêmes difficultés. Ces nouvelles recrues ont poussé la porte des commissariats de Schaerbeek, notamment il y a quelques jours, des policiers qui n'ont pas choisi d'être là. Donc, je ne pense pas qu'a priori ils étaient volontaires pour venir travailler ici sur Bruxelles. Alors aujourd'hui, il faut composer, trouver les meilleures affectations pour ces hommes, ces femmes, détachés jusqu'en 2019 et qui, en cours de route pour certains, demanderont à être mutés. On a une garantie sur le nombre, mais on n'a pas une garantie sur la personne qui travaille. Donc humainement, ce n'est pas la manière la plus facile de travailler. Opérationnellement, ce n'est pas non plus la manière la plus facile pour accumuler rapidement de l'expérience pour la prise en charge du phénomène. À Molenbeek, l'inspecteur Paris Santello, lui, est positif. On dit souvent dans la police qu'en une année, ici à Bruxelles, on voit plus de choses qu'en 5 ans dans d'autres zones, plus de provinces, on va dire. Là, j'apprends tous les jours des choses depuis que je suis ici. Et puis un mot de sport maintenant avec Chypre-Belgique, qui est donc l'affiche de ce soir. Oui, et les choses sérieuses commencent pour nos Diables Rouges. Il s'agit d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Un match qui survient après un euro raté et un match surtout catastrophique contre l'Espagne. C'était en amical jeudi dernier. Là, c'était surtout la mentalité qui avait fait défaut. Et pourtant, Roberto Martinez, l'entraîneur, l'assure. Il voit de belles choses à l'entraînement. Le mental est présent en séance d'entraînement. Quand on est ensemble, je demande une grande concentration, une grande disponibilité. Et les joueurs ont déjà démontré cela. Je vois un groupe très concentré, avec une grande envie de travailler et de gagner et de montrer au public qu'il peut avoir confiance en nous. Vraiment, ce dont on a besoin, c'est d'un bon match. Un match qui nous permettra de commencer quelque chose de très beau. Y un partido que podamos empezar algo muy bonito. Une interview d'Hervé Gilbert, coup d'envoi de Chypre-Belgique à 20h45. Un match à suivre en direct sur la Une Télé, sur Viva et sur notre site internet. On voit comment ça roule ce matin avec Stéphane Piedbeuf. Ça roule pas bien ce matin. Plus de 250 km de ralentissement cumulés sur nos routes. Des ralentissements qui sont engendrés par des travaux sur l'E411. Namur-Bruxelles, c'est le point rouge de cette matinée. À Wallin, il y a des files depuis Aiguezé sur 10 km. Et les automobilistes perdent 30 minutes en direction de Bruxelles. On reçoit plusieurs appels de votre part. Et si on ajoute à cela les ralentissements qui s'opèrent entre Overijse et Auderghem, on est pratiquement à 50 minutes sur l'E411 en venant de Namur pour rejoindre le carrefour Léonard. Et donc, vous êtes très nombreux à avoir choisi la Nationale 4 Namur-Bruxelles pour vous rendre. rendre à Bruxelles, et bien entre Boislin-Saint-Paul et Corbeil, vous ralentissez sur 3 km et c'est 15 minutes supplémentaires qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Pour rejoindre Bruxelles sur les autres axes, une demi-heure supplémentaire sur le 40 qui vient de Liège à partir d'Everberg, et puis d'Everlay, pardon, 20 minutes en plus sur le 19 qui vient d'Anvers à partir de Malines. Sur le ring, les temps de parcours, une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure entre Ittres et le carrefour Léonard, et pour la circulation intérieure, vous ralentissez entre Grand Bigard et Zaventem et vous ajoutez une vingtaine de minutes. Pour quitter Bruxelles, un accident s'est produit sur l'A12 Bruxelles-Anvers à hauteur de Willebroek. La bande de droite est neutralisée en direction d'Anvers. Dans Bruxelles, les ralentissements sont habituels dans les tunnels, et puis en province de Liège, il y a également des travaux qui vous ralentissent sur le 42 Mons-Liège entre Boisden et Manage, et puis c'est vers Liège entre Loreux et Manage que vous ralentissez, et vers Mons c'est entre Chapelle-lès-Hers-les-Monts et Boisden, et puis un objet encombrant sur la 54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Gosselies. Attention, il s'agit de panneaux d'isolant, ça peut être dangereux, c'est la bande de gauche qui est encombrée en direction de Nivelles. Un accident s'est produit à Liège sur l'A602 chez Nélonsin, un petit peu avant Val-Benoît, la bande de gauche est neutralisée et la circulation est ralentie en direction de Lonsin, et puis le chantier de Cherat vous ralentit sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles dans les deux sens. Entre Blegny et Herstal vers Bruxelles, 10 minutes supplémentaires, et entre Milmore et Cherat dans l'autre sens vers Aix-la-Chapelle, 10 minutes en plus également. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, place à C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Bonjour et installez-vous confortablement. Deux heures de conversation pour commenter ce pays. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, d'abord l'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Qui, quel but, quel plaisir? Répondez à cette famille qui est sous le choc. Dimanche, au retour d'une balade, Florence découvre donc que tous ses poneys sont regroupés dans le même enclos, ce qui n'arrive jamais. Elle comprend que quelque chose s'est passé et plus loin dans la prairie découvre l'horreur. Tam Tam, une poney de Shetland de 4 ans, est couchée sur le flanc, morte, profonde entaille dans la tête, mamelle coupée, oreille arrachée, et le vétérinaire confirmera quelques instants plus tard que ce n'est pas un animal qui a pu agir comme ça, non, c'est bien l'œuvre, je cite, d'un acte humain. La jument avait un poulain, elle l'a eu il y a quelques semaines, elle était docile. Plus troublant encore, d'après l'Avenir, un cas similaire. Le même jour aurait été signalé à Spa, un cheval battu à mort, oreille coupée. Et puis à Otigny, ces derniers jours, on signale également des coups de cutter et des brûlures de cigarettes. C'est la question pour vous en attendant sur l'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Qui, quel but, quel plaisir? Répondez à cette famille qui est sous le choc. L'homme qui refuse la reconversion. Un délégué de Caterpillar affirme que son emploi, c'est son emploi. Je ne veux pas être bagagiste, dit-il. Est-ce qu'il a raison de ne pas vouloir un autre job? Alors que la machine se met en route, le Forum entre dans le jeu. Paul Magnette rencontre des patrons d'entreprises de la région. C'est la machine qui se met en route. Eh bien, un délégué syndical ne se réjouit pas. Dans la Libre de ce matin, Clemento Elmo de la CSC dénonce tous ces discours qui abordent l'avenir du site comme s'il était effectivement mort et que tout était déjà plié. L'homme dit comprendre les politiques pour qui un emploi égale un emploi, mais lui, il ne veut pas de ça, et c'est pour ça qu'il a ces mots. Moi, mon emploi, c'est pas un autre. Après 37 ans passés ici, c'est pas un autre emploi. On ne va pas nous transformer en bagagistes à l'aéroport, non. C'est la question pour vous ce matin. L'homme qui refuse la reconversion, un délégué de Caterpillar, affirme que son emploi, c'est son emploi, je ne veux pas être bagagiste, dit-il. Est-ce qu'il a raison de ne pas vouloir un autre job? Et puis au 070-233-466, un ancien délégué syndical FGTB lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer les 5000 euros de dommages. Est-ce que vous donnerez un sou à la cagnotte? L'image de Tanguy, le manifestant qui avait donc frappé par l'arrière le commissaire Van der Smissen dans une manifestation le 24 mai dernier, avait fait le tour de la Belgique, vous le savez. Eh bien, l'agresseur a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'à payer la somme de 5000 euros au commissaire et 2500 euros à la zone de police Bruxelles-Capitale XL. Voilà pourquoi un ancien délégué syndical FGTB, qui s'appelle Guy Van Sinois, vient à l'aide de ce monsieur. Et cet ancien délégué syndical lance une cagnotte pour récolter l'argent, pour protester contre une sentence qu'il trouve sévère. hier. C'est juste pour un coup de poing, dit-il. C'était en pleine bataille avec les policiers et les manifestants. Il ne l'a pas agressé alors qu'il buvait une tasse de thé dans un salon. Voilà pourquoi il lance la quête de sous. Un ancien délégué syndical FGTB lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer les 5000 euros de dommages. Est-ce que vous donnerez un sou dans la cagnotte? Marion Jomot, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels pour au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, donc c'est vous qui le dites. En bref, une jument poney scalpée, l'homme qui refuse la reconversion et la cagnotte pour l'agresseur du commissaire Van der Smissen. Benjamin, ce matin, vous entamez le débat avec François Heureux, rédacteur en chef de Vive à Bruxelles, et Manuel Abramovitch, journaliste pour la web revue Résistance. Manuel et François, bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin. Premier débat sur la table et dans un contexte puisqu'il y aurait déjà eu des faits similaires ces derniers temps, c'est l'horreur à l'âne. Cette femme découvre donc dans son champ dimanche une jument poney scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Est-ce qu'on est là, François, dans un simple fait divers où il y a un degré d'horreur qui est particulier? Bon, c'est barbare en tout cas, hein. Tuer un animal de la sorte. Alors, vous allez me dire, ce n'est qu'un animal, mais non, c'est un être vivant qui a dû souffrir avant de mourir. Et puis, on peut imaginer toute la douleur de la propriétaire de cet animal. On sait combien les gens peuvent mettre beaucoup d'affectifs dans la relation avec un animal. Non, c'est vraiment un acte barbare. Alors, est-ce que au-delà de ça, il y a un commerce, il y a un but précis? Difficile de le dire à l'heure actuelle. Dans l'agression, Manuel, on a l'impression qu'il y a comme un abus de faiblesse, parce que cette jument poney apparemment était très docile, on pouvait l'attirer facilement à coups de nourriture ou à coups de caresse, c'est sans doute comme ça qu'elle s'est approchée des agresseurs. Est-ce qu'on peut parler d'abus de faiblesse? Est-ce que ça rend la chose encore plus horrible, profiter d'un faible ou d'un docile qui venait facilement aux gens? Mais si l'acte est sadique, et tous les éléments nous montrent qu'il y a un acte sadique, hein, ou alors un rituel sadique pour une secte quelconque, qui sait, tout est possible aujourd'hui. C'est évident qu'on s'attaque aux plus faibles. On ne va pas s'attaquer soit à des animaux forts ou à des êtres humains qui sont forts. Donc on s'attaque aux plus faibles. Ceux qui reçoivent des coups dans notre société, ceux qui sont tapés, tabassés dans la violence conjugale, mais ce sont souvent les enfants, ce sont les femmes, hein, plus que les hommes, et ce sont les animaux. Hein. Donc effectivement, il y a un abus de faiblesse, on s'attaque à plus faible que soi. Il y a ce moment terrible où le vétérinaire dit à la propriétaire de l'animal « c'est pas un autre animal qui a pu faire ça ». Je cite « c'est l'œuvre d'un acte humain ». Quel séisme quand on découvre que c'est un acte humain. Quelqu'un peut faire ça. On sait bien que l'homme est pire que le pire des animaux. Ça fait longtemps qu'on le sait et ce n'est pas une surprise que l'homme est capable de bien plus de cruauté qu'un animal qui tue toujours par nécessité, soit pour se défendre, soit pour se nourrir. L'homme, et on le voit encore avec ce sujet ici, est capable de tuer juste pour le plaisir, juste pour commettre un acte sadique. Oui, effectivement, oui. C'est... Vous admettez cette idée, vous, Manuel, qu'un homme puisse prendre du plaisir à faire ça? Scalpé, oreille arrachée, mamelle découpée. Vous acceptez l'idée qu'un homme puisse prendre du plaisir à faire ça? Force est de constater que les cas historiques nous le démontrent. Dans différentes périodes, pas uniquement pendant des guerres, hein, où des sadiques ont pu s'exprimer librement parce que des législations avaient été faites pour cela. Non, il y a toujours eu, à des moments de l'histoire, des périodes où la violence est plus forte. Et donc c'est ça, moi, qui est intéressant dans le mauvais sens du terme, hein, peut-être, mais c'est essayer de comprendre, hein, comme le philosophe Spinoza disait, c'est ni pleurer ni rire, mais comprendre. Il faut comprendre pourquoi tout d'un coup, il y a ce type d'actes. Alors, est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'avant? Donc, ça, c'est important, les statistiques ici. Et moi, je pense qu'ils sont plus nombreux. En tout cas, on le voit, on en parle plus. On en a parlé il y a encore quelques mois, c'était pour un chien qui avait été extrêmement maltraité, si je me souviens bien. Il y a des actes de barbarie qui se multiplient. Je vous reparlerai dans un instant de ce qui s'est passé avec des chevaux, y compris dimanche à Spa. Voilà. Il y a des faits assez similaires. On va d'abord demander un avis à Villers-le-Bouillet. Henri-Claude est en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin. L'horreur à l'âne, dimanche une jument poney a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Avant de nous dire quel but, quel plaisir et de répondre à cette famille qui est sous le choc, vous qui avez une association avec des chevaux, vous avez déjà été confronté à une horreur pareille? Non Benjamin, j'ai été confronté à une représaille, une vengeance, ça oui. Mais bon, malheureusement la police est morte il y a quelques années, on a su ce que c'était. Maintenant je vais vous dire, ce genre de crapule, il y en a, ce sont des détraqués, ce sont des gens qui doivent absolument faire soigner. Mais ils prennent du plaisir, il paraît. Ils prennent du plaisir à faire ça, couper les mamelles d'une jument poney. Mais ce sont des fous. Mais écoutez, Benjamin, nous, on a 130 chevaux, on est sur 50 km. on est obligé maintenant d'aller jour et nuit, parce que ça devient une psychose pour nous aussi. Je vous dis, on a des groupes de chevaux de 10, de 15, des chevaux de trait. Rien ne s'est passé pour le moment chez nous. Henri Claude, donnez-moi un avis. Est-ce que cette femelle poney, est-ce que cette femelle poney a souffert? Est-ce qu'elle a eu conscience de ce qui s'est passé au moment de l'agression? Benjamin, je ne sais pas, excusez-moi, je suis dans le milieu des chevaux, mais ça, on ferait le quart à un humain. Bien sûr qu'elle a souffert. C'est vraiment une souffrance atroce qu'elle a vécue. Une souffrance atroce. Mais malheureusement, Benjamin, de plus en plus, les autorités, on tombe pas sur les gens. Et puis les autorités, qu'elles deviennent plus dures. Moi, j'ai vécu des choses, des cauchemars avec des gens qui martyrisaient les animaux dans certaines corporations. Vous savez ce qu'ils ont? Rien du tout. Rien. Ah, c'est la particularité ici, c'est qu'on n'est pas dans une corporation, on n'est pas dans le milieu hippique, on n'est pas dans le milieu de la boucherie. Non, on est dans un champ où ces animaux sont là en totale liberté, tam-tam et télèque le reste du troupeau. Henri-Claude à Villers-le-Bouillet, je retiens votre demande d'une législation plus dure. Un mot encore autour de la table avec Manuel et François, on termine rapidement. Donc dimanche, apparemment à Spa, des faits du même genre, oreilles découpées sur un cheval. À Otigny, ces derniers jours, on signale des coups de cutter, des brûlures de cigarettes. On est dans ce phénomène où on se rend plus compte que derrière l'animal se cache une vie, des sentiments, des ressentis. Oh, c'est sans doute l'œuvre effectivement de gens qui n'ont plus conscience que ils vont faire du mal non seulement à un être vivant qu'est l'animal, mais en plus effectivement à toute une famille sans doute ou à une entreprise qui était liée à cet animal. Oui, non, effectivement là on occulte tout ressenti pour l'autre. On doit traiter ça avec la même sévérité, Manuel, que pour des agressions d'hommes, femmes, enfants. Les animaux ont des droits, hein. Je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi avec un animal, on peut pas tuer un animal, on peut tuer un moustique, une araignée, une mouche, tout ce que vous voulez, mais il y a des animaux où c'est pas tout, on peut pas toucher. Donc effectivement, la sévérité doit être très importante, parce qu'ici on est vraiment dans un acte peut-être de vengeance, donc la raison est la raison, mais c'est surtout l'acte qui a été commis et l'acte des plus barbares. L'image est dure, si vous nous regardez sur la une télé, elle est dure, vous la voyez également sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. C'est l'horreur à l'âne, dimanche une jument poney a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée, quel but et quel plaisir. Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Cet ouvrier de Caterpillar qui dit mon job, c'est mon job, j'en veux pas un autre. Il a raison. Ensuite, l'ancien délégué syndical qui fait une cagnotte pour l'agresseur du commissaire Van der Smissen. Vous donnerez un sou ou pas? Et puis 10h45, la question qui dérange. Hier matin, la police de Montigny-sur-Sambre a fait sauter un colis suspect. Sauf que dans la boîte, il n'y avait pas de bombe, mais un pigeon qui a explosé avec les services de déminage. Est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte quand on est professionnel qu'il y a un animal? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Avec ING, soutenez les Diables Rouges comme vous voulez sur ing.be/football. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Dis papa, c'est quoi un droit de veto? Ah, imagine. Si tu demandes à un vétérinaire de faire du bouche à bouche à notre bulldog, il peut dire ah non, ça je le fais pas. C'est le droit de veto. Enfin, je veux dire du veto. Voilà, tu comprends? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le JDE, le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Maintenant avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, avec Manuel Abramovitch, le web magazine Résistance, avec François Heureux, journaliste Vivacité. Voyons quelle conversation s'impose tout à l'heure. Deuxième débat sur la table, c'est l'homme qui refuse la reconversion. Un délégué de Caterpillar CSC, qui s'appelle Clemento Elmo, précise dans La Libre ce matin que, oui d'accord, pour les politiques, un emploi c'est un emploi. Mais non, moi mon job, c'est mon job. Mon emploi, c'est mon emploi. C'est pas un autre. Après 37 ans passés ici, on va pas nous transformer ou me transformer en bagagiste à l'aéroport. Manuel, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez choquant là-dedans? La reconversion se met en route, tout le monde va devoir trouver un avenir, et lui dit « moi je ne veux pas de cette reconversion ». Mon job, c'est mon job, j'en veux pas un autre. Mais il exprime quelqu'un qui, effectivement, a tout donné à son job. 37 ans, il dit. C'est une personne qui, comme les autres ouvriers de Caterpillar, qui ont accepté toute une série de choses pour que le job soit maintenu depuis plusieurs années. Hein, donc, ils ont perdu beaucoup au niveau des acquis et des conquêtes sociales. Et tout d'un coup, une reconversion. Alors, la première chose à se dire, c'est mais pourquoi doit-il payer les pots cassés d'une entreprise qui ferme, non pas à cause de la situation de la Wallonie, non pas à cause de la situation même de la Belgique, mais parce qu'il y a une société américaine aux États-Unis qui a décidé de fermer Caterpillar Goldsley et pas Grenoble, par exemple, et tout d'un coup, il devrait, lui, payer les pots cassés de cette décision. Oui, mais un travail, c'est un travail, François, ou pas? Est-ce que les politiques ont raison? Ils ont un emploi, c'est un emploi. Tu en perds un, je t'en retrouve un autre. Un emploi, c'est un emploi. Alors, c'est évidemment le rôle des politiques de penser maintenant déjà à l'après, hein, puisque, voilà, c'est à eux à finalement sauver les meubles, à mettre en place des structures qui vont pouvoir, bah oui, limiter la casse. Ça, c'est le rôle des politiques et c'est bien normal. Mais on peut comprendre aussi que le personnel de Caterpillar soit encore très fort dans les motifs. Hein. Eux, effectivement, cet employé de Caterpillar qui travaille depuis 37 ans dans son entreprise, il n'a pas envie d'accepter comme ça les chines pliées, la décision qui vient, comme l'a dit Emmanuel... C'est pas bien bagagiste, c'est pas assez bien pour un travailleur de Caterpillar. Mais c'est pas la question aujourd'hui. Peut-être que dans quelques mois, ouais, il devra se résigner. Peut-être que dans quelques mois, il n'aura plus le choix. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important pour lui et c'est normal d'exprimer une émotion, de continuer à se battre et ne pas accepter cette décision qui vient d'outre-Atlantique comme ça, sans réagir. C'est normal. Ouais, alors voilà un étrange décalage. Le Forum travaille déjà à la reconversion. On voit bien que tout se met en place, tout se met en place. Et il y a des gens qui disent au mécanisme de reconversion ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que le Forum, il travaille bien sûr, déjà. Bien sûr, bien sûr. Et on peut comprendre la motivation du politique. N'oubliez pas aussi qu'une usine qui ferme avec des gens qui ensuite ne retrouvent pas de boulot, c'est des consommateurs en moins. Et ce n'est pas avec des allocations de chômage ou demain de CPS qui vont pouvoir être des consommateurs dignes de ce nom, entre guillemets. Non, ce qu'il y a aussi, c'est que dans le management aujourd'hui, on parle de culture d'entreprise, d'identité à une entreprise. Les gens, quand il y a des manifestations, ils défilent et ils sont fiers, même si c'est pour protester contre des mesures sociales, ils sont fiers de défiler en tant que des gens de Caterpillar, les autres de Arcelor à l'époque, de Cochril, tout ce que vous voulez, ou de la Sabena à l'époque. Et donc il y a une fierté d'entreprise, même si on est fâché sur le patron, même si on trouve qu'il y a des injustices, on fait partie d'une communauté de travail. Et ça aussi, c'est le facteur peut-être de l'identité qui n'est pas mis en avant, et donc c'est un deuil terrible, c'est non seulement on perd un job, mais on perd aussi une identité. On avait un job et on travaillait chez Caterpillar. Donc on peut comprendre qu'on veut toujours travailler chez Caterpillar. On demande un avis à Fontaine-l'Évêque. Nadia, bonjour. Oui, bonjour. L'homme qui refuse la reconversion, ce délégué de Caterpillar, affirme que son emploi, c'est son emploi, je ne veux pas être bagagiste. Est-ce qu'il a raison, ce monsieur, de ne pas vouloir un autre job? Je peux comprendre que, sous le coup, là, maintenant, c'est vrai que c'est difficile à avaler la pilule, mais à un moment, il faudra se rendre à la réalité et prendre le boulot que le Forum ou... la cellule de reconversion va proposer. Alors c'est un exemple qu'il donne, parce qu'évidemment c'est emblématique à Charleroi, mais un gars de Caterpillar qui deviendrait bagagiste à l'aéroport, c'est humiliant? C'est un recul? C'est quoi? Non, c'est pas humiliant, c'est un boulot, il doit défendre sa partie, défendre sa famille, voilà, il a une maison, il a des charges, je pense, cet homme-là, et voilà, je peux comprendre qu'après 37 ans, c'est difficile, mais on doit arriver à la réalité de maintenant, que c'est plus possible de prendre son sac et trouver un boulot qui nous plaît du jour au lendemain. C'est plus les années 60 ou 70 où on trouvait forcément du boulot. Maintenant, vous avez plein de jeunes aussi qui attendent depuis un an, deux ans, peut-être ce boulot de bagagiste et qui ne l'auront pas parce que ce monsieur sera peut-être en, en première ligne pour l'avoir. Est-ce que ce monsieur a insulté les cellules de reconversion, le Forum et tous ceux qui depuis hier déjà et depuis vendredi pensent à la reconversion de chaque travailleur, unité par unité? Est-ce qu'il a insulté ces gens-là? Je pense un peu, parce que bon, voilà, ils font leur possible pour essayer d'amoindrir la casse, quoi. Et je peux comprendre, ils devraient être en colère contre l'État belge qui donne toujours des subsides. Il y a quelques années, ils ont donné 80 millions pour essayer de sauver encore une partie de Caterpillar. Et puis finalement, voilà, c'est toujours comme ça. C'est comme ArcelorMittal, on va en reparler. Mais il y a eu des problèmes aussi, ils ont eu des subsides. Et puis finalement, ils ont mis la clé sous la porte. Vous savez qu'on en parle au Parlement aujourd'hui, hein, dans les Parlements aujourd'hui, ça fait partie de l'agenda politique. Nadia, on verra si on peut aller plus loin dans la conversation tout à l'heure. Je termine autour de la table avec Manuel et François. Dans le fond, François, est-ce qu'on doit maintenant faire auprès de ce monsieur un effort de pédagogie pour qu'il comprenne, puisque Nadia a dit qu'il faudra bien un jour qu'il se rende à l'évidence, et là pour l'instant il insulte un peu le Forum. Est-ce qu'on doit maintenant faire un petit travail de pédagogie, même s'il y a un attachement à l'entreprise, pour qu'il se rende à l'évidence? Non, mais il le fera lui-même, je pense. Je crois qu'à un moment donné... Bon, maintenant, il faut voir comment le combat va tourner aussi. Hein. Vous savez, rien n'est encore fait. Hein. Est-ce qu'on va retrouver un repreneur? Moi, j'y crois pas trop, mais... On n'écarte pas la piste. Est-ce qu'on va sur ce site développer d'autres activités où on pourrait reprendre une partie des travailleurs? Vous savez, tout est possible à l'heure actuelle. Donc, dire à ce monsieur, vous devez absolument vous faire à l'idée que vous allez être bagagiste à Zaventem ou manutentionné à la STIB ou ailleurs. Non, attendez, du calme. On va d'abord voir ce qui se passe avec ce site Caterpillar. Donc, je pense qu'il y a un peu tout, effectivement, pour dire que de un, il insulte le Forum, mais que de deux, il faut faire de la pédagogie auprès de lui. Rapidement, Manuel, après 37 ans dans un job, on est capable d'avoir un autre job ou on n'est pas capable d'avoir un autre job? Oui, mais ça ne concerne qu'une minorité. On l'a vu en Angleterre dans les années 80 avec la reconversion des mineurs, ça concerne une minorité qu'on va mettre en avant pour faire croire que l'ensemble peut être capable de se reconvertir, mais très peu arrivent dans la ligne d'arrivée du nouveau job. C'est l'homme qui refuse la reconversion, un délégué de Caterpillar affirme que son emploi, c'est son emploi. Je veux pas être bagagiste. Est-ce qu'il a raison de pas vouloir un autre job, ce monsieur? Dans un instant, troisième débat sur la table. Un délégué syndical qui lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer 5000 euros de dommages. Vous donnerez un sou? Et puis 10h45, la question qui dérange. Hier matin, la police de Montigny-sur-Sambre a fait sauter un colis suspect. Sauf que dans la boîte, il n'y avait pas de bombe, mais un pigeon qui était lourdement bloqué. Question: comment un service de déminage professionnel n'a pas pu s'apercevoir avant qu'elle allait faire sauter un pigeon? C'est incroyable. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 € avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. C'est vert. Eh oh, c'est vert. Quoi? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Oui, Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de MediaMart. Sous les projecteurs, une centrale vapeur Philips pour 149 euros seulement. Soit 110 euros de moins. Dès demain dans tous nos magasins et sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Manuel, web magazine Résistance, François, vivacité.be. Un ancien délégué syndical lance donc une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen. Vous vous souvenez de ces images, hein, le 24 mai dernier, l'agresseur vient par l'arrière, frappe, la justice a déjà dit 2 ans de prison avec sursis et il y a encore un doute sur l'indemnisation puisque le commissaire Van der Smissen réclame 5000 euros, la zone de police Bruxelles Capitale XL réclame 2500 euros. Bref, voilà qu'un délégué syndical lance une cagnotte pour aider monsieur Tanguy à payer. Est-ce qu'il faut donner un sou pour aider ce travailleur qui était là comme représentant de tous les travailleurs? Est-ce qu'il faut donner un sou? Alors, il y a évidemment deux lectures hein, pour ce fait. Il y a la première, c'est la lecture basique. Quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre, bah, il doit assumer son geste. La justice décide qu'il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et à verser une somme à sa victime. Voilà, moi je ne vais pas commencer à donner et à aider tous les gens qui sont coupables de violence tous les mois à verser quelques euros pour les aider à payer ça. Après, il y a l'autre lecture évidemment, ce n'est pas anodin ce qui s'est passé là. Hein. On sait que c'est lors d'une manifestation un peu tendue, contre un commissaire qui par le passé s'est rendu lui aussi coupable entre guillemets... de répression, certain zèle dans la répression de certaines manifestations. Il y a tout un contexte évidemment là derrière. Donc que quelqu'un se dise, allez, on va aider ce monsieur qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui visiblement a dérapé, a pété un plomb, avait bu un coup de trop et a donné un coup de poing à la personne à qui il ne fallait pas en donner. On va l'aider financièrement. Je peux comprendre le geste. Est-ce que ce serait choquant, Manuel, de mettre un sou dans la cagnotte d'un homme qui est coupable, d'après la justice, puisqu'il est condamné quand même à 2 ans de prison avec sursis? Sur le principe, aider quelqu'un qui est coupable, d'après la justice? Alors, c'est pas aider n'importe qui, c'est aider un travailleur qui est membre d'une organisation, qui a été, si je me rappelle bien, exclu même de la... Il y a une procédure. C'est ça d'abord, c'est d'abord un travailleur. C'est un travailleur. Et donc, un travailleur... membre d'un syndicat, mais il y a la tradition ouvrière. Hein. Je pense qu'il avait un statut d'ouvrier, ou peu importe, mais il y a la tradition des travailleurs, où il y a des caisses de solidarité. Ils estiment effectivement, mais ça c'est leur grille de c'est pour les grèves, les caisses de solidarité. Non, je parle, de solidarité aussi. Voilà, quand il y a quelqu'un qui a un ennui, dans l'histoire du mouvement ouvrier belge, et la Belgique est une terre de mouvement ouvrier belge, du mouvement ouvrier tout court, effectivement, il y a ce type de tradition. Et donc, effectivement, avec... Ce qui a été dit par des journalistes, hein, pas uniquement aujourd'hui. Et c'est vrai que le commissaire Van der Smissen n'était pas là au bon moment, était là au bon moment, mais pas au bon endroit. Un commissaire de police ne peut pas se trouver en première ligne. Il a commis un impair. C'est une personne qui a aussi, effectivement, ça a été dit par la presse d'ailleurs, et des enquêtes journalistiques qui ont été faites, qui provoquent souvent. Et donc voilà. Bon, je ne dis pas va pas refaire le débat sur le positionnement. Mais ça veut dire que ça ne m'étonne pas qu'un délégué syndical de la FGTB, effectivement, fasse une cagnotte, c'est une vieille tradition, c'est un réflexe, et donc voilà, c'est logique que ça se fasse dans ce cas de figure. Alors, demandons un avis à Balen. Christine en ligne, bonjour. Bonjour. Donc, un délégué syndical lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer 5000 euros de dommages. Vous donnerez un sou à la cagnotte? Oh non, moi pas, certainement pas. Non, pourquoi? Parce que ce monsieur est majeur et vacciné, pour moi, il a loi le dit responsable de ses actes. Donc moi j'ai 3 enfants qui vont être majeurs dans 2 mois. Depuis tout petit je lui apprends la responsabilité, et quand il voit une chose pareille, il entend « Ah, il y a des gens qui vont payer pour lui ». Il y a l'argumentaire du délégué syndical qui lance la cagnotte. Il faut quand même vous signaler, madame, que c'était en pleine bataille avec les policiers et les manifestants. Van der Smissen n'a pas été agressé alors qu'il buvait une tasse de thé dans un salon. Donc dans ce contexte où l'homme, M. Tanguy, défendait tous les travailleurs manifestants, vous pourriez aider ce travailleur? Non, moi je ne l'aiderai pas, parce que quand on voit les images, on voit bien qu'il l'a attaqué par derrière. Monsieur le commissaire n'a pas eu l'opportunité de pouvoir se défendre. Non, pour moi c'est un acte de lâcheté et il n'a qu'à assumer ses actes. Sur le principe même de la cagnotte, vous comprenez ou ce principe-là vous gêne? Moi ça me gêne. Moi, ça me gêne parce que voilà, on va aller commettre un acte délictueux, un acte délictueux. Ce n'est pas grave, je suis syndiquée. Il y a une cagnotte à mon syndicat, c'est mon syndicat qui va payer. Non, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, c'est un non total. Je termine autour de la table très rapidement, messieurs. Payer soi-même les 5000 euros de dommages. C'est une manière de bien comprendre la peine. Ça peut avoir une vertu un peu thérapeutique, pédagogique, François. Il y a déjà la peine au pénal de 2 ans de prison avec sursis, c'est quand même pas rien. Et puis effectivement, oui, 5000 euros, j'imagine que ça va être, il va demander un étalement du paiement pendant quelques années. Oui, il pourra y réfléchir. Donc ça peut être une façon aussi d'assumer et de faire réfléchir. Oui, du tac au tac, Emmanuel, si je mets un sou dans la cagnotte, ça veut dire que j'accepte qu'on ait frappé Van der Smissen? Non, pas nécessairement. On peut juste estimer que la justice a été trop sévère, tout simplement. C'est une interprétation qu'on peut apporter. Manuel Abramovitch, François Heureux, bonne journée tous les deux. Bonne journée à vous tous. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. L'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Quel but, quel plaisir, répondait à cette famille qui est sous le choc. Ensuite, l'homme qui refuse la reconversion. Un délégué de Caterpillar affirme que son emploi, c'est son emploi. Je ne veux pas être bagagiste. Est-ce qu'il a raison de ne pas vouloir un autre job? Et puis un ancien délégué syndical qui lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer 5000 euros de dommages. Est-ce que vous donnerez un sou à la cagnotte? 070-233-466 par SMS au 3063. À l'heure. Angela, bonjour. Bonjour. Ça se passe à l'âne, dimanche. Des gens viennent, scalpent la jument poney, arrachent l'oreille, découpent les mamelles. Dans quel but on a pu faire ça, à votre avis? Dans quel but? Simplement défêler du cerveau. Maintenant, je pense peut-être la jalousie, mais je ne vois pas pourquoi, étant donné que c'est une famille qui a ses poneys. Ça pourrait être un amusement, c'est important. Ça pourrait être un amusement sur un bord de champ. Oui, il y a tellement de fêlés de nos jours. Vous savez, on martyrise tellement d'animaux pour le plaisir de nos jours. Donc voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à votre jument il y a 7 ans, Angela? Il y a 7 ans, en fait, on avait eu un souci avec la jument au manège, donc on l'avait remise au pré chez le vendeur. Et alors, quelques jours après, le vendeur a sonné à mon ami parce qu'il ne savait pas comment me l'annoncer. On lui avait charcuté la jambe. Avant gauche jusqu'à l'os, et on l'avait lacéré sur les côtés dans le but de certainement la tuer, mais ils n'ont pas réussi, elle s'est enfouie. Et alors quand il m'a téléphoné, il était trop tard, on a dû la faire euthanasier. Ils l'ont charcuté avec quoi? Parce que vos mots sont terribles, hein. Charcuter la jambe jusqu'à l'os. Écoutez, un objet contondant, ça peut être un couteau, ça peut être un cutter, ça peut être plein de choses. Maintenant, vous savez, un cheval a un estomac, et le cheval, vous lui donnez à manger, il va finir. C'est un abus de faiblesse? C'est un abus de faiblesse. C'est un animal, c'est gentil. Moi, je dis toujours, c'est l'être humain qui rend l'animal méchant. Est-ce qu'une jument poney, c'est un animal faible? Auquel cas, l'agression serait encore plus lâche qu'on l'imagine. Est-ce que c'est un animal faible, une jument poney? Oui, parce qu'ils sont gentils. Vous savez, j'ai fait de l'équitation pendant des années. Je suis bénévole pour une association de galgos qui viennent d'Espagne, qui eux aussi sont martyrisés. C'est des animaux qui sont faibles sous l'emprise de l'homme. Ah, il paraît qu'elle venait facilement. Et en plus, cette jument poney avait eu un poulain il y a quelques temps. Elle était maman par ailleurs. Angela, merci d'avoir raconté avec votre expérience d'il y a 7 ans. Le RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Une voiture est sur le toit sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Spy. Les voies centrales et de droite sont neutralisées. 5 km de file et 40 minutes de retard en direction de Mons. Et puis un accident sur l'A602 Chesnay-Loncin un peu avant Valbenois. La bande de gauche est neutralisée. La circulation est ralentie en direction de Loncin. Nous sommes donc en province de Liège. Bonne nouvelle pour ceux qui sont sur le ring actuellement. Vous perdez une dizaine de minutes seulement en circulation extérieure entre Ytre et Carrefour-Léonard. 10 minutes de retard également pour la circulation intérieure entre Grand-Bigard et Zaventem. Et puis des travaux ralentis sur le 411 Namur-Bruxelles à Wallin, défile depuis Échamps-Refailles sur 7 km. Ajoutez un quart d'heure à votre temps de parcours, plus les embouteillages habituels avant d'atteindre le Carrefour-Léonard. Nous sommes au total à 20 minutes supplémentaires en venant de Namur. Donc sur cette 411 et puis un quart d'heure de plus sur le 40 qui vient de Liège à partir de Berthem. Ça ralentit également sur le 19 venant d'Anvers à partir d'Outhem. Et puis sur le réseau secondaire, sur la Nationale 4 Namur-Bruxelles, vous êtes ralenti entre Wallin-Saint-Paul et Corbet sur 4 km. Ajoutez 15 minutes en direction de la capitale. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant à Waterloo, Jean-Claude viendra nous dire s'il mettra un sou dans la cagnotte de M. Tanguy qui avait agressé le commissaire Van der Smissen. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout Citoyens, le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alice on the Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Soir Mag. Soir Mag présente 14-18 Carnet de guerre. Vu le succès des précédentes collections, ne manquez pas ces 4 nouveaux récits inédits et passionnants pour ne pas oublier une des périodes les plus dramatiques de notre histoire. Premier livre ce mercredi, Mon ami Le Bosch, au prix de 5,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, l'homme qui refuse la reconversion, un délégué de Caterpillar, affirme que son emploi, c'est son emploi. Je veux pas être bagagiste. Est-ce qu'il a raison de refuser un autre job à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Fabien de Quéville-le-Grand, non, il n'a pas raison. Il n'a absolument rien compris. Le travail aujourd'hui, ce n'est plus commencer dans une entreprise et y passer toute sa carrière, toute sa vie. Non, à présent, nous sommes à une autre époque où le travail doit sans cesse évoluer. Les travailleurs changent d'employeur plusieurs fois au cours d'une vie. Et refuser la reconversion, eh bien c'est tout simplement faire preuve de faiblesse, faire preuve de fainéantisme, selon Fabien. Waterloo est en ligne. Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour. Et donc on attend le verdict. L'agresseur du commissaire Van der Smissen devra peut-être verser 5 000 € au commissaire Van der Smissen de dommages, 2 500 € à la zone de police Bruxelles XL Capitale, et un délégué syndical fait une cagnotte. Est-ce que vous mettez un sou dans la cagnotte? Mais absolument pas, et je trouve ça absolument honteux, car je pense qu'une fois encore, les syndicats se mettent hors la loi. Attendez, c'est pas tout le syndicat, c'est un homme qui organisait une cagnotte. C'est la solidarité entre travailleurs. Ou est-ce un rideau qui cache le syndicat? On n'en sait rien. La solidarité entre travailleurs, ça vous parle? Il y en a eu par le passé de nombreuses. Et toujours en faveur de gens qui soit avaient été éjectés de leurs emplois parce qu'il y avait eu vol, il y avait eu des tournements. Il y a toujours une raison, et je pense que ce n'est pas le rôle. Jean-Claude, le profil, c'est l'histoire d'un petit père de famille qui a eu un moment de grande absence lié à l'alcool dans une manifestation où on défendait le droit de tous les travailleurs de ce pays. 5 000 €, c'est beaucoup. Plus 2 500, ça fait 7 500. Un petit moment d'absence, d'aller sauvagement agresser quelqu'un par derrière. Alors si on défend l'emploi, ben, vous savez, le commissaire, c'était aussi quelqu'un qui était dans son emploi. Je veux simplement dire une chose. Il y a beaucoup de pays où l'agression d'un représentant de l'ordre est quelque chose d'excessivement grave. Et si on remet ça en cause... Alors, je ne sais pas où on va aller. On est déjà très loin en Belgique. Mais donc, mettre un sou dans la cagnotte, c'est s'opposer à la justice. Eh bien, écoutez, on paye. Qu'est-ce qu'il aura de plus en payant? Vous croyez qu'on va vous faire cadeau si vous avez des moments d'égarement? Jean-Claude, qu'est-ce qu'il aura de plus en payant lui-même la somme de A à Z? Ah ben écoutez, ça le fera peut-être réfléchir, hein. Réellement réfléchir, parce qu'il va devoir le payer, ces 5 000. Et si ça vient de la cagnotte, il réfléchira pas? Non, absolument pas. Donc il faut pas donner dans cette cagnotte? Absolument pas. Il paraît qu'il y a déjà 2500 euros dans la cagnotte. Eh bien, c'est bien dommage. C'est bien dommage, me dites-vous. On devrait donner à des nécessiteux, ce serait plus intelligent. Vous êtes à Waterloo et vos premiers mots étaient « c'est honteux ». Je l'ai noté sur mon document, Jean-Claude. Peut-être à tout à l'heure si la conversation s'impose. Framery maintenant est en ligne. Rudy, bonjour. Oui, bonjour. Et on découvre donc dans la Libre de ce matin un délégué, Clemento Elmo de la CSC, chez Caterpillar, qui refuse dans le fond la reconversion. Mon job, c'est mon job. Après 37 ans, je ne veux pas d'un autre job. Mon job, c'est mon job. Est-ce qu'il a raison de refuser un autre travail? Écoutez, après 18 ans dans une entreprise, j'ai perdu mon emploi pour des raisons économiques et politiques. Je n'ai pas ramassé le pactole comme certains délégués syndicaux. Si on n'a pas le choix, un délégué syndical ramasse le pactole et quand il aura tout dépensé, il pourra pleurer. Après plusieurs mois, quand il devra toucher à ses économies, il n'aura pas le choix d'accepter un autre boulot, autre que celui qu'il avait. Mais ce n'est pas une question apparemment de prime, Rudy, c'est une question de principe. Pour les politiques, un job ou un autre job, c'est la même chose. Mais il dit non, moi j'ai un parcours, j'ai 37 ans dans cette activité, je ne veux pas devenir bagagiste. Vous comprenez qu'il ne veuille pas devenir bagagiste? Écoute, c'est une optique d'extrême gauche qui nuit à la société. Le délégué syndical n'est pas un poste honorable, mais un poste opportuniste. Celui qui veut vivre décemment relève les bras et ne tient pas de propos pareils. Il a insulté le forum? Pardon? Il a insulté le forum, ce monsieur, en disant « je veux pas d'un autre job ». Ben bien sûr qu'il a insulté le forum, c'est même pas insulté le forum. Le problème, c'est que bon, il voudra pas se reconvertir et il voudra pas changer d'avis. Ah ben il appréciera, et vous lui avez dit que c'était une optique d'extrême gauche. Il est syndicaliste à la CSC, il appréciera au passage, Rudy. On verra si cette conversation peut aller plus loin tout à l'heure. On va marquer une nouvelle pause, et dans un instant, à Namur, Marie viendra commenter cette jument poney qu'on retrouve un dimanche après une balade avec une oreille coupée, scalpée, mamelle découpée, l'horreur à l'âne. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Avec ING, soutenez les Diables Rouges comme vous voulez sur ing.be/football. Madame a fait son choix. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. Splendide. Nous sommes donc sur une croustade boulangère, espuma de jambon ibérique et croquant de comté affiné. Ok. Vous avez du ketchup? Puis-je suggérer à madame notre splendide chutney de tomates toscane? Très bien. J'ai même envie de dire splendide. C'est le moment d'upgrader votre vie chez Nirlinio Car en profitant d'une splendide réduction de 2500 euros sur une sélection de Mercedes classe C berline d'occasion récente. Offre limitée. Voyez vite sur nnc.be. Nirlinio Car. By Mercedes-Benz. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne, le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Un chouette programme organisé par ma commune pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais couru. On se réunit chaque semaine avec un animateur. Après 3 mois, on est capable de courir 5 km et même plus. Renseignez-vous vite auprès de votre commune ou sur le site jecourspourmaforme.com. Une initiative du magazine Zatopec avec le soutien de Vivacité. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Viva et la Viva. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, un délégué syndical FGTB lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer 5000 euros de dommages, si c'est le montant que la justice décide. Est-ce que vous donnerez un sou dans la cagnotte à ce propos ? Eh bien, à ce propos, Jamal de Virton ne donnerait pas un seul centime. Ce genre de générosité, il la qualifie de malsaine. Vu la gravité de l'acte, eh bien, on peut dire qu'il s'en sort déjà plutôt pas mal. Selon Jamal, il trouve que la condamnation n'était même pas suffisante. Parce que ce genre de condamnation, Jamal est mais que le condamné n'a rien à assumer. Cette cagnotte envoie un mauvais signal. Ça veut dire que le syndicat cautionne ce genre d'agression. C'est inadmissible, selon Jamal. C'est vous qui le dites, Ethan Amur. Marie, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Je voudrais entendre votre réaction quand vous avez appris ce matin l'horreur de l'âne, cet animal, jument poney, scalpé, oreille arrachée, mamelle découpée. C'est une petite agression ou on a affaire à autre chose, là ? Écoutez, Benjamin, ne dit-on pas que les individus qui commettent de tels actes sont destinés à être de futurs serial killers ? Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Attendez, c'est important quand même, parce que vous me dites que quand on fait ça à un animal, on est capable de franchir le pas et d'aller vers quelqu'un. Oui, écoutez, Benjamin, c'est ce qui est dit quand vous lisez un peu les articles du FBI et autres, mais je ne veux pas donner de l'importance à ce psychopathe, ce sociopathe. Je ne voudrais pas qu'il soit content éventuellement de m'entendre ou mais de lire. Mais comment empêcher ça ? Parce que Tam Tam, cette poney de Shetland de 4 ans, venait facilement chez tout le monde. Elle était fragile par nature puisqu'elle avait le contact facile. Alors on peut jamais empêcher ça. Non, voilà, malheureusement, le seul conseil que je peux donner, c'est de rentrer les animaux la nuit, d'investir dans des systèmes de surveillance via des caméras et de faire des rondes, style des milices armées. Des milices armées autour de nos champs, Marie. Ah oui, oui. Écoutez, il faut vraiment arrêter cet individu parce que... Va-t-il s'arrêter ? Il prend le chemin d'être un serial killer. Les animaux, les serial killers commencent par torturer des animaux, s'attaquent aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, aux faibles. Marie, il y a toute cette petite bande, si c'est une bande, qui a Otini depuis quelque temps, donne des coups de cutter et fait des brûlures de cigarettes aux animaux. Oui, Benjamin, il faut vraiment arriver à les arrêter. Je sais, c'est utopique de dire ça. Mais il faut vraiment, vraiment arriver à les arrêter. Si la conversation s'impose, on verra si votre idée est suivie par d'autres. Hein. L'idée de ronde, de milice autour de nos champs, est-ce que ça peut être une solution ? Qui, quel but, quel plaisir, l'horreur à l'âne ? Nous sommes à hâte maintenant. Nabil, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Donc pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen, un syndicaliste met en place une cagnotte pour régler les 5000 euros de dommages. Si c'est le montant imposé par la justice, vous mettrez un sou dans la cagnotte ? Oui, je l'aiderai volontiers, et pas seulement cela, moi je demande à la FGTB de payer toute la somme. Pour la simple raison, c'est que ce monsieur, lorsqu'il a été manifesté, en fait, pour plusieurs raisons à cela. La première, qu'en fait, je vous ai dit, ce monsieur, lorsqu'il est monté à Bruxelles, c'est parce que la FGTB, elle lui a demandé cela. Oui, elle lui a pas demandé de boire, hein. Bah, ils boivent tous dans ce cas-là. Écoutez, il faut qu'ils soient condamnés tous alors. Hein. Tous les syndicalistes boivent. Nabil, tous, les exception. Autres, ils m'ont dit, s'il paye lui-même 5000 euros, il comprendra qu'on va pas mettre des points dans la figure des gens. D'accord, bah dans ce cas-là, moi je vais vous dire une chose. Combien de policiers ont été condamnés parce qu'ils ont violenté un citoyen ? Combien ? Dites-le-moi. Attendez, un truc à la fois. Dans ce dossier, est-ce que vous voulez aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen pour valider le coup à commissaire ? La question ne se pose pas de cette façon. La question reproche à ce monsieur-là parce qu'il a donné un coup à un commissaire de police. Moi, je vous dis combien de policiers ont été condamnés parce qu'ils ont violenté des citoyens. Nabil, 5000 euros, c'est un gros montant ? Bah, c'est quelque chose, je dirais, qui est symbolique. Mais encore une fois, moi, je demande à la FGTB de payer cette somme. Sinon, en fait, les syndicats, maintenant, ils sont dans de sales draps. La prochaine fois, lorsqu'ils demanderont aux citoyens de monter à Bruxelles pour manifester, moi, je demande aux gens de ne pas monter. Et vous donnez combien, vous ? Parce que vous m'avez dit au début, je veux bien mettre un sou dans la cagnotte. Vous donnez combien ? Je mettrai... c'est quelque chose qui est personnel. Je mettrai... voilà une somme, mais encore une fois, c'est quelque chose, vous savez, 5000 euros, il faut 100 personnes qui mettent 50 euros et c'est réglé, quoi. Attendez, Nabil, parce que vous donnez, c'est quand même, j'imagine, fictif, puisque le montant n'est pas encore déterminé, vous donnez 100 ou 150 euros, ou moins. Mais la somme somme n'est pas importante. La somme n'est pas importante. Ah, c'est le geste. C'est alors, nous verrons si une pièce de monnaie suffit à aider si vous décidez de donner. Quelle conversation mènerons-nous après les infos? À tout à l'heure. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profitez des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape liégeoise comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Cathy Melen dans sa cité ardente et le concert Debout Citoyen de l'Opéra Royal de Liège avec la participation exceptionnelle de Suarez et Alison Zerouf. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Vous êtes sur Viva, il est 10h. C'est le temps du flash. Catherine Tonnerreau, bonjour. Bonjour à tous. Et Yannick Ferreira n'est plus l'entraîneur du Standard. Le club liégeois vient de communiquer l'info sur son site internet. Un limogeage dans l'air depuis un moment. Yannick Ferreira n'était plus soutenu par sa direction pour ses choix tactiques et son bilan chiffré jugé insuffisant. Le Standard est actuellement 11e du championnat avec 6 points sur 15. Selon nos informations, la direction des Rouges a déjà trouvé le successeur de Ferreira. Il s'agirait du Serbe Aleksandar Jankovic, actuel entraîneur de Malines. Toujours en football, les choses sérieuses commencent ce soir pour les Diables Rouges. Ils affrontent Chypre, match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Coup d'envoi à 20h45 et à suivre évidemment sur la Une Télé, sur Viva et sur notre site internet. Le dossier Caterpillar à l'agenda politique aujourd'hui avec des débats prévus au Parlement fédéral et wallon. Seuls les représentants des travailleurs seront présents. La direction de Caterpillar refuse de s'exprimer publiquement par respect, dit-elle, pour la procédure Renault en cours. Nouvelle réunion de la commission parlementaire attentat ce mardi. Elle se tiendra à huis clos. Objectif fixé, l'agenda des auditions à venir dans le deuxième volet des travaux. Le premier était consacré à l'intervention des secours. Celui-ci concerne l'enquête. Il s'agira notamment de déterminer s'il y a eu des failles dans l'échange d'informations entre services et la surveillance des auteurs des attentats. Les boîtes aux lettres resteront vides ou presque ce mardi à Braine-l'Alleud, Waterloo, Tubize et Braine-le-Château. Les postiers ont débrayé après avoir distribué les journaux. Une nouvelle version du système Géoroute pose de gros soucis d'organisation selon les postiers qui réclament aussi plus de personnel. Une réunion d'urgence du comité régional de concertation se tient en ce moment pour tenter de débloquer la situation. La Costa Blanca espagnole menacée par des feux de forêt. 1400 personnes, dont de nombreux touristes, ont été évacuées depuis dimanche. 800 hectares sont déjà partis en fumée dans la région de Valence. L'incendie est vraisemblablement d'origine criminelle. Pompiers et soldats sont mobilisés en nombre pour combattre les flammes. Un travail rendu difficile en raison de la chaleur et du vent. Et puis à Marseille, le feu est là presque maîtrisé ce matin après l'intervention de plus de 800 pompiers. L'incendie avait pris dans le massif des Calanques, un parc naturel aux portes de la ville. Il a parcouru 390 hectares depuis lundi après-midi, origine criminelle là aussi. La météo et le temps est sec, le soleil va s'imposer progressivement. Les maxima seront compris entre 21 et 26 degrés localement. Un temps estival qui va se maintenir jusqu'en fin de semaine. Le point RTBF Mobile Info retrouve Stéphane Piebeuf. Il y a Stéphane, une voiture sur le toit sur la E42. Eh bien, figurez-vous que cet accident vient à peine de se terminer, donc c'est une bonne nouvelle. La chaussée est donc libre sur cette 42 entre Liège et Mons à hauteur de Spy, où les voies centrales et de droite est neutralisée, mais il y a toujours quelques kilomètres de ralentissement, des files, et toujours une demi-heure supplémentaire en direction de Mons, mais ceci dit, ça devrait bientôt se rétablir. C'est également la fin de l'accident sur la 602 entre Chêne et Loncin, un petit peu avant Val-Benoît. La chaussée est dégagée, mais il y a encore quelques files et un quart d'heure supplémentaire ajoutés au temps de parcours. Bonne nouvelle sur le ring de Bruxelles, on perd désormais moins de 5 minutes sur l'ensemble des tronçons. Et puis des travaux qui vous ralentissent sur le 411 entre Namur et Bruxelles à hauteur de Wallin. Vous n'êtes que légèrement ralenti en direction de la capitale. Et toujours sur cette 411, avant le carrefour Léonard, vous ralentissez à partir de Jésus-Zeik. Et puis sur le 40 également, quelques légers ralentissements à partir d'Everberg pour rejoindre Woluwe et Saint-Etienne. Et puis toujours des ralentissements sur le réseau secondaire, la Nationale 4 entre Namur et Bruxelles, entre Wallin-Saint-Paul et Corbeil. Quelques kilomètres de ralentissement et une dizaine de minutes supplémentaires en direction de la capitale. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est vous qui le dites, c'est sur Viva et c'est avec Benjamin Maréchal. Et c'est donc la deuxième partie pendant que Catherine s'en retourne dans la rédaction. Ciao! Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Hier matin, la police de Montigny-sur-Sambre a fait sauter un colis suspect. Sauf que dans la boîte, il n'y avait pas de bombe, mais un pigeon. D'où la question qui dérange ce matin. Comment un service de déminage professionnel n'a pas pu s'apercevoir avant qu'elle allait faire sauter un animal ? Nous sommes donc hier matin vers 7h30. Le personnel du poste de Montigny-sur-Sambre arrive, découvre ce carton devant le commissariat. Depuis l'attaque à la machette dans la région, on prend toutes les sécurités possibles et le service de déminage est donc appelé. Le colis explose vers 9h30 et là, au moment de l'explosion, que découvre-t-on ? Eh bien des plumes qui volent dans tous les sens. Les policiers viennent de faire sauter un pigeon. L'animal est emmené d'urgence à la clinique où il a reçu les premiers soins. Son aile est fracturée. Il a 3 semaines de convalescence qu'il devrait normalement faire dans les locaux de la SPA. Ces gens étaient des professionnels du déminage. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous une piste ? Oui, je vais tenter d'avoir un contact avec l'armée et avec son service d'enlèvement et de destruction d'objets explosifs. C'est un département de la Défense. Je passerai également un coup de fil auprès de l'institut dans lequel le pigeon blessé reçoit ses soins actuellement. Vous avez un éclairage sur la manière dont la police agit, sur la nécessité de faire sauter tous les colis piégés. Vous connaissez peut-être le service de déminage de l'armée parce que vous y êtes passé. Laissez un éclairage à Marion Standard. Et le problème pour Laetitia Dopprebet, c'est que vu les récents événements qui ont frappé la police de Charleroi, eh bien c'est normal que les policiers se soient méfiés d'un carton posé devant le poste. Alors ça aurait pu être une bombe ou un produit toxique. Mieux vaut être trop vigilant que pas assez et donc passer un coup de fil aux démineurs. Hier matin, la police de Montigny-sur-Sambre a fait sauter un colis suspect, sauf que dans la boîte, il n'y avait pas de bombe, mais un pigeon. Question qui dérange. Comment un service de déminage professionnel n'a pas pu s'apercevoir avant qu'elle allait faire sauter un animal? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord, l'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Qui, quel but, quel plaisir? Répond à cette famille qui est sous le choc. Ensuite, l'homme qui refuse la reconversion. Un délégué de Caterpillar affirme que son emploi, c'est son emploi. Je ne veux pas être bagagiste. Non. Est-ce que cet homme a raison de ne pas vouloir un autre job? Et puis un délégué syndical FGTB qui lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer les 5000 euros de dommages. Est-ce que vous donnerez un sou dans la cagnotte? 3 débats, Marion, 070-233-466 et par SMS au 3063. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la jument poney scalpée à l'âne. Ses oreilles ont été arrachées, ses mamelles découpées. Qui a fait ça? Pourquoi? Et pour quel plaisir? Ce sont les questions que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Oui, les faits sont terribles et vous êtes très nombreux à avoir choisi cette conversation ce matin. Nous sommes dimanche, au retour d'une balade. La propriétaire de l'animal s'appelle Florence et elle découvre à ce moment-là que tous ses poneys sont regroupés dans le même enclos. Elle comprend très très vite qu'elle a affaire là à un comportement anormal car les animaux ne se regroupent jamais. Et en s'approchant, effectivement, elle découvre l'horreur dans la prairie. Tam Tam, une poney de Shetland de 4 ans, est couchée sur le flanc, morte, profonde entaille dans la tête, mamelle coupée, oreille arrachée. Et c'est là que l'histoire devient plus troublante encore. C'est que la vétérinaire va confirmer qu'un animal n'a pas pu faire ça à Tam Tam. Ce n'est pas un animal, c'est l'œuvre d'un acte humain. La jument avait eu un poulain il y a quelques semaines. Elle était docile. D'après l'Avenir, des cas similaires se seraient produits à Spa le même jour. Cheval battu à mort, oreille coupée. Et puis à Otigny, on signalerait de plus en plus de coups de cutter et de brûlures de cigarettes sur animaux. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure.

je ne vais pas qualifier ça d'être humain. Hein. Jacqueline, je vais vous demander de venir plus près du téléphone parce que je vous entends très très loin. Rapprochez-vous si vous le pouvez et ce sera plus facile pour moi. Jacqueline, oui, comment ça va mieux comme ça. C'est parfait. Comment qualifiez-vous ces actes? Ah, moi, je trouve que c'est un axe de personnes perturbées qui prennent des solutions, exemple, crack, des trucs comme ça qui ont le cerveau démoli et qui sont peut-être naturellement comme ça par rapport à le fait qu'ils ont qu'ils n'ont rien dans la cervelle que faire. Jacqueline, comment, attendez, on reprend les éléments un pour bien comprendre le processus. Comment on peut attirer un animal si facilement? Parce qu'on sent bien quand on est là, si on a une intention un peu belliqueuse et méchante, l'animal il peut sentir ça. Pourquoi il vient? Pourquoi il tombe dans le panneau et qu'il vient? Mais il y a des gens qui savent très bien se manipuler en personne très gentille et puis en personne démoniaque. Et ceci se passe aussi pour les gens. Hein. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut imaginer que l'animal a pris peur et que c'est comme ça que la situation a dégénéré? Non. L'animal a payé pour avoir été près des personnes qui demandaient peut-être, dans la tête du cheval, c'était les caresses, un morceau de pain, comme les personnes normales font. Ah ben tout à l'heure on parlait d'abus de faiblesse, cet élément est important. C'est en plus donner un autre signal à l'animal, faire croire qu'on va aller vers de la caresse et puis tout d'un coup, l'affaire dégénère. Jacqueline Gilly, on va à Walcourt maintenant. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous connaissez un peu les chevaux, les poneys, c'est votre univers ou pas? Oui, j'ai eu plusieurs chevaux, j'ai actuellement un poney Shetland. Est-ce que c'est d'une violence incroyable ou vous mettez ça dans la catégorie petite agression? Non, c'est un acte de barbarie et je pense que c'est un bien d'en parler et un mal parce que ça donne des idées aux gens. Parce que l'agression, malheureusement, ça a toujours existé. Pourquoi l'animal vient? Pourquoi l'animal vient? Parce que c'est un animal qui est sociable et gentil et qui a toujours eu de bonnes relations à l'humain. Et donc, pour lui, il vient. Ce sont toujours, malheureusement, les plus gentils qui se font agresser. Parce que les animaux farouches ne se laissent pas attraper. Mais les gentils, confiants, ils viennent. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir, cet animal? Puisqu'il vient dans une démarche un peu bienveillante, voire même câline. Et tout d'un coup, en l'espace d'un instant, ça dégénère. Comment l'animal il peut gérer ça? Il n'a pas tendance à s'enfuir? Il peut essayer de s'enfuir, mais bon, c'était quand même un poney de petite taille, donc un homme adulte sait relativement le maîtriser. Et qui sait s'ils étaient un ou plusieurs, donc le poney peut essayer de se défaire, mais ce n'est pas évident. Pourquoi il y a cet enchaînement-là? Parce que ce n'est pas juste un coup, et on dit qu'à Louvain-la-Neuve, il y a de temps en temps des coups de cutter, des brûlures de cigarettes, on voit bien la petite volonté peut-être de nuire un petit peu, mais là on est dans un enchaînement. Scalpé, oreille arrachée, mamelle découpée. Pourquoi autant? Mais malheureusement, on a eu un cas il y a quelques semaines d'un cheval à qui on a enlevé une oreille, qu'on a bien médiatisé, et je suppose que ça donne des idées à des gens psychopathes et tordu de faire la même chose, comme ça on parle d'eux, ils sont contents. Comment on peut empêcher ça? C'est bien d'en parler, mais un mal d'en parler aussi. Oui, mais alors vous pouvez me donner une solution si vous voulez que ça n'arrive plus, parce qu'on se demande comment faire. Tout à l'heure, Marie voulait mettre des milices armées autour de nos champs. Non, ça c'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir ces animaux pas trop près d'une route, pas trop isolés, qu'on puisse les surveiller. Si possible, les rentrer la nuit, quoique maintenant c'est la bonne saison, les animaux adorent manger la nuit. Mais bon, éventuellement les rentrer la nuit. Je ne sais pas si on sait faire quelque chose contre ça, mais je pense que trop en parler, c'est un peu dangereux, parce que celui qui n'y pensait pas, il y pensera. Ah ben il en va de ce sujet-là comme de tous les sujets d'actualité. Hein. Ainsi va l'actualité. On en parle pour la commenter et chacun en fait ce qu'il veut par après. Vous êtes à Walcourt ce matin, Nathalie. J'ai noté que ce sont toujours les plus gentils qui payent dans ces cas-là. On verra avec votre connaissance des animaux, des poneys ou des autres animaux, comment absorber cette phrase. Ce sont toujours les plus gentils qui. Fosse-la-Ville est en ligne. Laetitia, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez admettre? On ne dit pas que c'est bien. Est-ce que vous pouvez admettre l'idée que quelqu'un ait pris du plaisir à faire ça? je peux admettre dans le sens où des fous furieux, ça existe, malheureusement. Et c'est ce que je disais justement à votre collègue juste avant, c'est que malheureusement, que ce soit par rapport à la sensibilité de l'animal ou par rapport à la personnalité de ce gars-là, c'est qu'il faut commencer aussi à se dire que des fous furieux, en général, ils s'exercent toujours, ils commencent très souvent en tout cas. J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus sur des animaux. Et donc c'est ça qui est dangereux et qui va au-delà du fait qu'il s'est attaqué à un animal. Oui, mais alors dans ce dossier, quel est l'enchaînement? Vous pensez d'abord à l'animal, vous pensez à la famille de l'animal, ou vous pensez d'abord au risque? Non, moi je pense d'abord à l'animal, parce qu'on a beau en parler tout ça, un animal ça a des poumons, un foie, un système nerveux, c'est comme tout être humain, scientifiquement c'est prouvé, il a souffert, et ça c'est atroce, de toute manière. Cette famille, Florence et sa famille, ils ont été se balader, ils reviennent et découvrent l'horreur. Ils ont juste perdu un animal du troupeau, ou il y a quelque chose de plus? Pour moi, déjà c'est intrusif, parce que quelqu'un est venu chez eux faire du mal à un être de la famille, parce que quand on prend un animal, on le considère comme un être de la famille. Et puis il y a le côté aussi, vraiment, il a souffert. Et ça, honnêtement, je leur souhaite beaucoup de courage, parce que vivre avec ça, il a visé des endroits très douloureux, donc c'est vraiment un fou furieux. Donc il y a la colère qu'on ne sait pas qui c'est, et il y a aussi la tristesse de se dire, il est mort, mais comment il est mort, mon animal? Je voudrais votre avis sur cet étrange contraste, puisqu'il y a à chaque fois un moment de joie et un moment terrible. Il y a cette famille qui va faire une balade, c'est la joie, elle revient, c'est l'enfer. Et l'animal, c'est pareil, il vient dans une logique gentille et docile, dans la joie, et puis il vit l'enfer. Je voudrais vous entendre sur chaque fois cet enchaînement. Cet enchaînement, c'est chaque fois le problème, qu'il y a des gens heureux et des gens qui ne supportent pas de voir des gens heureux. Donc ce type-là, il a vu la famille partir, il a déjà un problème dans sa tête, il a un problème déjà, c'est pas possible autrement. Un ou des, malheureusement, là on manque de référence sur les coupables ou les suspects. Un ou des, à ce stade, Laetitia, c'est difficile à établir. On va aller à Virton maintenant. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous connaissez bien les chevaux, vous, ou pas? Oh oui, avec 45 ans qu'on a des chevaux. Pourquoi ce poney ne s'en va pas? Pourquoi ce poney, à ce moment-là, ne comprend pas qu'il y a danger? Mais parce qu'il est familier. C'est un poney, en général, ils vivent dans des familles où il y a des enfants. Et les enfants sont adorables avec les petits chevaux, parce que ce sont des compagnons à leur dimension. Et cette petite bête-là, elle ne s'est pas méfiée. C'est pour ça que je disais à votre assistante, la meilleure façon de les protéger, c'est d'interdire à quiconque qui ne fait pas partie de la famille de donner à manger à un animal. Parce que c'est vraiment les appâter avec des biscuits, comme disait l'autre interlocutrice. Est-ce qu'on a tué une personne faible, ou on ne peut pas voir le poney, la jument poney, comme ça? Est-ce qu'on a tué un individu faible, ce qui auquel cas pourrait rajouter à la gravité? On a tué un être vivant faible. Et comme disait votre autre interlocutrice, c'est un être vivant et qui a des émotions. Nous, 45 ans avec des chevaux de personnalités différentes, de races différentes, je vous certifie que c'est comme dans les familles, on en a eu peut-être une dizaine, ils sont tous les 10 différents. Dans quel but on découpe les mamelles d'un animal? Ah, ça. Et pourquoi est-ce que les Hutus et les Tutsis coupaient les mamelles des jeunes mères en Afrique? Bon, c'était ma question, alors c'était votre réponse. La question reste en suspens pour l'instant, et vous nous direz si la comparaison tient la route ou si elle est hasardeuse. On va marquer une nouvelle pause, et dans un instant, à Assès, Annick, qui a deux chevaux, nous dira si on aurait pu empêcher ça. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La 2, en télé. Je vois, il veut qu'on pirate le système de climatisation de Steel Mountain. C'est bien joli tout ça, mais encore faudrait-il pouvoir entrer dans leur bunker. Portail en acier de 3 tonnes, surveillance armée 24 heures sur 24. Tu veux pas le faire exploser finalement? Mister Robot. De nouveaux épisodes, ce mercredi, sur la 2. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Space X Awards vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les fins des années 60 et 70 et les fameux 6 heures historiques. Programme complet sur spacexawards.com. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. De 3, 3, 4, 6, 6, chacun donc avec son apport, Marion essaie de comprendre le profil de celui ou ceux qui ont fait ça. Voilà, les mots au standard sont très durs hein, pour décrire celui ou ceux qui ont commis ces actes. Le terme de détraqué revient assez souvent. C'est le terme que Louis de Dour, Karine Dorpjoch et Émilie de Sommeleuse ont utilisé. Un détraqué mental qui a besoin d'exprimer sa haine et de se venger sur des animaux parce qu'il est frustré. Pour Marie de Perouet, ce genre d'actes sont tout simplement innommables, tellement ils sont cruels. Elle n'arrive pas à mettre des mots dessus tellement elle est choquée. Alex de la cuisine, lui, il parle d'un psychopathe assoiffé de sang. Et enfin, Thomas de Charneux, lui, est complètement choqué. Il se dit que ces personnes ne peuvent pas être des humains. Ce n'est pas possible de faire ça à un animal si tendre. Assès est en ligne. Yannick, bonjour. Bonjour. Vous avez deux chevaux. Quel âge, vos chevaux? Oui. Ici, on a un étalon de 11 ans et une jument de 20 ans. 20 ans. Dans ce cas-ci, c'est une jument poney qui a été sévèrement touchée, attaquée et qui est morte. Le fait que ce soit une jument, ça a un impact ou une valeur supplémentaire ou pas ? Ici, non. Maintenant, je dirais, comme les chevaux, comme les humains, ben, chacun a son caractère. Il y en a qui sont plus craintifs, qui ne viendront pas à la barrière ou qui ne viendront pas près des personnes. Et il y en a qui sont plus en confiance et qui se laisseront manipuler plus facilement. Donc c'est la gentillesse de Tam Tam qui lui a coûté la vie. Bon, maintenant, ça c'est difficile de dire, mais ici, concernant l'acte en lui-même, pour arriver à mutiler un cheval comme ça, bon, soit on l'a sédaté, soit on aura employé des moyens de contention assez importants. Un cheval ne se laisse pas mutiler comme ça, sans se débattre, ou alors c'est vraiment une bande organisée et ils sont vraiment... Sédaté, ça veut dire quoi? Que les mecs seraient venus avec une carotte ou un calmant? On l'aura endormi, on l'aura tranquillisé. Alors maintenant, si c'est le cas, bon, il faudrait peut-être faire une autopsie, aller voir, chercher un peu dans le sang de la jument ce qu'on y retrouve. Et si tel est le cas, maintenant, il faut quand même savoir que ces produits-là ne sont pas on ne délivre pas ces produits-là facilement. Donc, on a fait appel à un vétérinaire Est-ce qu'il est possible qu'un animal ait fait ça? Parce que le vétérinaire ici de Florence, la propriétaire, est sûr, dit c'est un acte humain. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être un animal? Non. C'est pas possible. Et puis bon, ici, visiblement, j'ai pas vu l'animal comme ça sur les lieux, mais on voit quand même que c'est une découpe, c'est une découpe au couteau, hein. C'est pas une morsure où il y a des arrachages des lambeaux de peau. Annick, quel impact? Donc cette jument avait eu un poulain tout récemment. Est-ce que ça aura un impact sur le poulain qui a perdu sa maman? Ça peut, ça peut. Bon, maintenant, elle sera nourrie. Je ne sais pas où ils en étaient dans le sevrage et tout ça. Mais bon, maintenant, moi, ce que les propriétaires devraient faire, c'est aller faire une autopsie et aller rechercher s'il n'y a pas eu sédation. Hein. Et ici, maintenant, voir au niveau de l'encolure, au niveau des membres et tout ça, s'il y a eu contention, si on a employé des sangles, si on a employé, je ne sais pas, moi... Il y a un point d'interrogation pour l'instant. Je dois vous dire qu'on essaie de faire ce travail, de contacter la propriétaire en espérant pouvoir lui parler dans un quart d'heure. Et elle nous dira ce qu'elle a retrouvé sur place, outre évidemment l'animal. Annick, vos interrogations sont notées, on les soumettra peut-être tout à l'heure. Allons à vos thèmes maintenant. Christine, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. À l'époque, comment allez-vous? À l'époque, vous aviez une jument en prairie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était sur Vif-Nice, il y a des années de ça. Hein. On a dû appeler la police parce qu'on avait coupé dessus avec un cutter. Quel genre de blessure elle avait ? C'était des blessures, on voyait toutes les lignes de cutter. Toutes les lignes. On a retrouvé les coupables ? On n'a pas retrouvé les coupables, mais pour la police, ils disaient que c'était une bande de petits jeunes drogués, voilà, qui s'amusaient comme ça. Est-ce que vous pouvez admettre, ça ne veut pas dire que c'est bien, est-ce que vous pouvez admettre que des jeunes prennent du plaisir en faisant ça ? Ah non, parce que si moi je les aurais retrouvés, ça aurait été mal aussi pour eux. Hein. Mais je veux dire, dans le cas actuellement avec la petite ponette, il y a déjà eu un cas similaire avec un cheval nommé Surprise. On a fait la même chose avec. Où ? Ça, je ne sais pas c'est de quel côté. Je pense que c'est plus ou moins du même côté aussi. On lui a coupé l'oreille. Ça est passé même dans les journaux. Ah, y a quelques histoires qui circulent dans la presse disant que ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à des faits similaires. Ah, non. Les agressions se ressemblent. On a coupé le cheval à Surprise. On a coupé l'oreille du cheval à Surprise. Tout le monde a cotisé. Les gens ont payé 5000 euros pour faire opérer le cheval de la fille. Christine, un mot sur la famille de Tam Tam, dans le cas qui nous occupe. Cette ponette Shetland de 4 ans qui a été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Est-ce que la famille peut se remettre d'une image pareille ? Donc on revient d'une balade et on tombe sur ce spectacle-là. Est-ce que la famille peut se remettre de ça, vous pensez ? Non, parce que déjà sur la page Facebook avec le cheval, ils ont eu très très dur aussi, hein. Je vais dire, même psychologiquement, même que ce soit pour le cheval s'en est sorti là, hein. Mais pour les gens, franchement, ils ont fait un beau boulot avec les vétérinaires, hein, quand même. Mais la madame précédente qui a parlé qu'on aurait endormi le cheval pour faire ça, la petite ponette, ça m'étonnerait qu'on aurait endormi le cheval pour faire ça. Hein. Avec votre expérience, puisque j'entends que vous connaissez quelques affaires, vous pensez que Tam Tam a souffert ou ça a été tellement vite ? Ah oui, non, il a souffert. Et psychologiquement, je crois que si elle serait toujours vivante, je crois psychologiquement, elle serait comme ma tête aussi. Hein. Pourquoi quelqu'un va au bout du bout quand il a face à lui un animal qui a l'air gentil, qui a l'air tendre et qui physiquement dégage un peu de tendresse puisque c'est un gentil qui est venu à la clôture? Pourquoi quelqu'un va au bout? Oui, mais moi je pense que, bon, quand on met des chevaux en prairie, toujours, il faut toujours mettre une clôture électrique, comme ça peut empêcher les gens de passer la clôture aussi, et mettre toujours un cheval qui est sauvage avec, plusieurs chevaux sauvages avec. Ah ben je note cette piste alors, avec ceux et celles qui ont l'expérience, vous nous direz si ça fonctionne ça. Prairie, clôture électrique, plus cheval sauvage. Donc ici on croit que dans la propriété de Florence, il y avait plusieurs animaux, et quand Florence est revenue de sa balade, elle a découvert que tous les animaux étaient regroupés, ce qui dans le fond n'arrive jamais. C'était bien la preuve que quelque chose s'était passé. Il est 10h31, l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les appelants de ce matin, combien estime que l'agresseur n'a pas pu être seul pour commettre un acte pareil ? Eh bien, 80% pensent que les responsables de ces mutilations étaient plusieurs. Un poney ne se laisserait pas faire aussi facilement. Arracher des oreilles, couper des mamelles, seul, ce n'est pas possible. Héloïse Dejambe rajoute que l'animal a sûrement été tranquillisé. Un poney s'apaise lourd et a de la force. Sans tranquillisant, ces agressions auraient dû prendre beaucoup, beaucoup de temps. Le RTBF Mobile Info, Stéphane. Ça devient calme, Benjamin, sur les routes. Léger ralentissement sur le 411 en venant de Namur pour rejoindre Bruxelles à partir de Jésus-Zeik jusqu'au carrefour Léonard. Et puis sur le ring, en circulation intérieure, c'est fluide. Par contre, de légers ralentissements, moins de 5 minutes supplémentaires entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bigard en circulation extérieure. Et puis quelques ralentissements dans Bruxelles, notamment du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur vers la Basilique, ainsi que du tunnel Tervuren au tunnel Loye, dans le tunnel Stéphanie et dans le tunnel Autant vers le centre. Et puis du tunnel Léopold II au tunnel Rogier vers le midi. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Hier matin, à Montigny-sur-Sambre, la police fait exploser un colis suspect, sauf que dans ce colis se trouve un pigeon. Comment des professionnels du déminage ne se sont pas aperçus avant l'explosion qu'ils allaient faire sauter un pigeon qui est blessé et en convalescence ? J'attends un nom après la pause. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi ? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vivacité et la une présente Italia Chevetogne. le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Cheveton. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Cheveton 2016. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! Wouh ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Hier matin, vers 7h30, le personnel du poste de police de Montigny-sur-Sambre découvre devant le bâtiment un colis suspect. C'est l'alerte, surtout dans le contexte que l'on connaît à Charleroi après l'attaque à la machette. Et on appelle donc le service de déminage qui va vers 9h30 faire exploser ce colis suspect. Au moment de l'explosion, surprise générale, ce sont des plumes qui s'échappent parce que la police vient de faire sauter un pigeon. L'animal a été emmené d'urgence à la clinique où il a reçu les premiers soins. Son aile est fracturée. 3 semaines de convalescence. D'où la question qui dérange de ce matin. Comment un service de déminage professionnel ne peut pas, en envoyant le robot, en analysant de visu, ne peut pas s'apercevoir qu'on va faire sauter un pigeon. Mélanie, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous donner ? Oui, alors très tôt ce matin, j'ai passé un coup de fil auprès de la Défense. Le service presse m'a promis de transmettre ma demande, mais on m'a expliqué que le service d'enlèvement et de destruction d'objets explosifs était très occupé. Le service tourne à temps plein et quand les hommes ne sont pas sur le terrain, ils sont en récupération. Ceci étant dit, le service presse compte organiser dans quelques semaines un rendez-vous avec la presse pour expliquer le travail des démineurs. Ce rendez-vous se fera vers le mois d'octobre et nous sommes d'ores et déjà invités sur cette liste. Alors, vous parlerez, puisqu'on ne pourra pas parler avec un démineur. Ah ben oui, on est le 6 septembre, c'est gentil de nous inviter en octobre. Oui. Voilà, donc vous parlerez avec le docteur Arnaud Jacquet, vétérinaire au sein de la clinique Carole Ovette. C'est dans son cabinet qu'a été déposé le pigeon blessé. C'est là qu'il a reçu les premiers soins. Bon, c'est le jeu du direct, hein, puisqu'on cherche le bon interlocuteur en temps réel. On verra ce qu'on peut obtenir comme information auprès de ce docteur, puisque le service déminage nous répondra dans un mois. En attendant, laissez votre éclairage au standard, à Marion. Et le problème pour Damien de Cherade, c'est que la police de Charleroi est trop méfiante. Tout se branle bas de combat pour un petit pigeon. Damien trouve que c'est complètement exagéré. Il se pose aussi des questions par rapport à la charge d'explosifs utilisée. Si le pigeon n'a qu'une aile fracturée, eh bien, c'est que la charge était légère et qu'au final, les démineurs se doutaient que ce n'était pas dangereux. Alors, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire exploser le carton ? Eh bien, c'est la question que Damien se pose. Tout à l'heure, donc, hier, la police de Montigny-sur-Sambre a fait sauter un colis suspect. Il y avait dans ce collier un pigeon qui a explosé. Comment c'est possible de faire ça quand on est professionnel ? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, c'est le hasard de l'actualité. Vous avez choisi une conversation sur l'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a donc été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Qui ? Quel but ? Quel plaisir ? Répondez à cette famille qui, donc dimanche, revient d'une balade et puis découvre l'horreur à l'âne, cet animal complètement mutilé. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes maintenant à Warem. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'animal peut faire ça ? Est-ce qu'un simple badaud peut tout d'un coup appâter un animal, une jument poney, et passer à l'acte ? Ou il fallait que ce soit quelqu'un qui connaît l'animal ? Non, il faut savoir que, bon, moi j'ai un cheval, je l'ai eu qu'il avait 4 ans, il a 10 ans maintenant, et ma fille monte depuis à peu près 8 ans. Il faut savoir que c'est un animal très très gentil. Cet animal demande énormément d'affection. Une fois qu'on l'a élevé gentil, il vient vers vous tout naturellement. Maintenant, je ne veux pas faire l'intelligent, moi j'ai dressé mon cheval à ce qu'ils ne prennent rien de personne. Oh, mais attendez, c'est difficile de dresser un cheval pour un scénario pareil, parce que personne ne s'attend à ça. Non, non, non, ce n'est pas difficile. En fait, ce n'est pas difficile. Pourquoi ? Il est vrai que je vais peut-être paraître un petit peu brutal pour tout le monde. Mais moi, j'habituais à mon cheval, puis quand je le mettais en prairie, quelqu'un venait avec un morceau de pain, quand le cheval voulait venir le chercher, il lui donnait une petite tape sur le museau. Mais croyez-moi bien qu'après 10 fois, le cheval, quand vous venez pour lui donner un pain, si ce n'est pas moi qui viens, il se retourne et il essaie de vous choper. Pierre, puisque vous avez entraîné votre cheval, imaginons qu'il ne soit pas suffisamment sur ses gardes, est-ce que dans ce cas-ci, Tam Tam aurait pu s'enfuir? Quand la mutilation commence, pourquoi l'animal n'a pas ce réflexe de fuite? Parce que pour moi, il n'était pas tout seul. Les agresseurs, ils devaient forcément être plusieurs. Oui, oui, oui. Pour moi, il y en a un qui l'a maîtrisé sur le temps qu'un ou deux autres ont fait cette saloperie-là. Ça vous inspire quoi, cet étrange contexte qui est toujours fait de joie et d'horreur? La famille va promener, c'est la joie, elle revient, elle découvre l'horreur. L'animal vient dans la joie, pensant passer un bon moment, et ça tourne au cauchemar. Ce mélange joie-enfer en permanence, ça vous inspire quoi? Mais c'est une horreur, c'est une horreur. J'en tomberais malade. J'en tomberais malade. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous, ne savent plus quoi faire pour avoir de l'adrénaline. C'est vraiment de la charcuterie. C'est un acharnement pour le plaisir personnel. Il n'y a rien de... Je ne peux pas mettre une explication sur une telle horreur. C'est d'une gravité extrême ou c'est un petit fait divers parce que c'est un animal? Non, non, c'est d'une gravité extrême. Il faut savoir qu'on prend ces animaux pour aider des personnes handicapés ou on aide des enfants avec ces animaux. Ils sont exceptionnels et on vient faire ça gratuitement. Je trouve ça, ils doivent être punis comme s'ils avaient fait ça un humain. Cet élément-là est important. Hein. Vous m'avez dit, c'est pour avoir de l'adrénaline. Pour avoir de l'adrénaline. Alors, il est 10h40, vous l'aurez compris par vous-même, on va appeler les experts. Merci à Pierre de nous avoir rejoints. Les experts, c'est donc la propriétaire de cette jument poney qui a été lourdement mutilée ce week-end à l'Anne. Florence Grosjean est en ligne. Bonjour. Bonjour. Bah d'abord, des nouvelles de vous. Dans quel état êtes-vous ce matin? Parce que c'est vous qui avez donc découvert l'animal dimanche. Bah écoutez, c'est difficile, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est un animal que vous aviez depuis le début? Bah écoutez, nous, ça fait 2 ans qu'on habite à cet endroit-là. J'ai toujours eu des poneys parce que j'ai toujours aimé les chevaux depuis mon enfance. Excusez-moi si j'ai dit difficile. Hein. Florence, on prend le temps qui est nécessaire. Je l'ai sauvé de l'abattoir parce que ça m'y tenait à cœur. Et donc voilà. Et je ne comprends pas cet acte de barbarie. Et vous l'aviez sauvé de l'abattoir. Il avait échappé une fois à l'enfer. Voilà, exactement. Quel était le caractère de Tam Tam? Mais écoutez, elle était très proche de l'homme, enfin en tout cas de moi, de mes enfants, de ma famille, parce que c'est vrai que quand elle est arrivée dans un état assez maigre, où personne ne la regardait, et donc voilà, et on a mis toute notre attention sur elle quand elle a rejoint notre famille. Et puis au mois de mai, elle a eu un petit poulain qui maintenant est orphelin. Et ce poulain, il sent l'absence de sa maman ou pas? Oui, oui. Mais j'ai la chance d'avoir une autre jument qui a eu un poulain aussi, donc peut-être qu'on espère le miracle qu'elle le prenne sous son aile. Avant de bien comprendre ce qui s'est passé, un mot encore de vos enfants. Ils ont vu cette image de Tam Tam au sol ou ils n'ont pas vu? Non, heureusement non, parce qu'on l'a retrouvée dans le fond de notre terrain, en dehors de la prairie. Donc heureusement non. Vous revenez donc de cette balade, vous découvrez la catastrophe. Est-ce que la clôture a été sectionnée? Est-ce que Tam Tam s'est approché de la clôture? Non, il n'y a aucune infraction. En fait, normalement, les poneys sont séparés parce que comme j'ai eu 2 poulains, l'étalon a tendance à protéger ses poulains et donc il n'est pas très gentil. Enfin, il chamaille mes 2 autres poneys. Donc ils sont séparés. Donc l'étalon était avec ses juments et ses poulains et mes 2 autres poneys dans la prairie de gauche. Et je suis rentrée et tous les poneys étaient tous ensemble, donc chose inhabituelle. Donc là, ça m'a heurtée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chose, c'est bizarre. Et là, je suis rentrée dans ma prairie pour nourrir mes poneys, comme je le fais tous les jours. Et là, je me suis aperçue que je ne la trouvais pas, donc j'ai fait le tour de ma prairie de droite, j'ai regardé toutes mes clôtures, tout était nickel, j'ai pas compris. Est-ce que vous savez s'il y a eu sédatif? Est-ce qu'on a endormi Tam Tam ou alors ce sont plusieurs hommes qui l'ont maîtrisé? J'ai re-eu ma vétérinaire hier soir au téléphone, on pense qu'elle aurait été empoisonnée. Et que c'est grâce à ça qu'ils auraient réussi à l'attirer vers le fond. Parce que en plus, vu la blessure qu'elle avait, vu l'oreille arrachée, il n'y a pas eu de saignement autour de sa tête quand je l'ai retrouvée morte. Donc, la vétérinaire pense qu'ils auraient donné un poison coagulant qui empêche le saignement. Donc ça veut dire que c'est très très réfléchi, très très prémédité. Voilà, et ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est qu'il y a deux jours, vendredi, en rentrant de l'école avec mes enfants, mon fils me dit « Maman, il y a deux fils qui sont cassés à la prairie ». Et donc je descends pour voir. Effectivement, il y avait l'attache qui permet de tenir le fil qui avait été sectionné à deux endroits. Et je vous avoue que, ben voilà, moi, ça fait des années que j'habite à Lannes, j'ai jamais eu aucun problème, ni même avec mes voisins, ni même dans mon entourage. À ce stade, la police a une idée, a une piste? Vous savez qui a fait ça? Non, parce qu'ils m'ont dit que c'était le premier cas à Lannes. Maintenant, en récoltant, je vous avoue que j'ai eu pas mal de messages Facebook de soutien, donc ça fait plaisir aussi. Et il y a beaucoup, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu aussi des choses interpellantes. Donc voilà, j'essaye de récolter un maximum de témoignages aussi de mon côté pour pouvoir apporter le dossier nécessaire à la police pour que les choses bougent et que ce genre de choses, ce genre d'actes n'arrivent plus jamais. Je vous propose et je vous soumets à la même question que les autres qui sont venus à nous ce matin, mais elle est importante pour comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez admettre que des gens aient peut-être pris du plaisir à faire ça ? Non, je ne peux pas concevoir qu'on puisse prendre du plaisir à faire du mal à un animal. Maintenant, il y a des cinglés, des malades mentaux partout. Je pense que je pense qu'il faut mettre le grappin sur ces gens et il faut que toute la Belgique se remue afin d'avoir le plus de témoignages possible et qu'au niveau de la justice, ça bouge et qu'il y ait plus d'enquêtes pour pouvoir attraper cette personne. L'histoire est troublante, hein, puisque vous nous racontez que Tam Tam avait démarré son parcours chez vous en étant sauvé de l'abattoir. Les événements ne l'auront malheureusement pas sauvé deux fois. Florence Grosjean, vous êtes la propriétaire de cet animal. Merci d'avoir pris le temps de venir à nous avec la difficulté que l'on comprend. Au 070-233-466, on revient vers vous, Marion, avec pas mal de propriétaires de chevaux qui, en entendant ça, décident de prendre des mesures. Hein. Effectivement, Wilfried de Cheftoyne a décidé de rentrer ses trois poneys chaque soir à présent. Il a rajouté aussi des verrous et des cadenas sur ses box parce que ses Shetland sont à ses petites filles. Et si quelqu'un touchait à l'oreille d'un de ses poneys, eh bien Wilfried et ses filles ne s'en remettrait pas. Brigitte de Han-sur-Lesse, elle a deux chevaux. Elle a fait appel hier à un service de caméras de surveillance. Ils viennent installer samedi des caméras et des alarmes. Alors Brigitte explique qu'elle veut faire le maximum pour protéger ses chevaux parce que les box sont au fond de sa propriété. Et si quelqu'un y pénètre pendant la nuit, eh bien, elle ne l'entendra pas. Donc Brigitte préfère savoir ses chevaux en sécurité et installer des caméras à ses box. Bleuny est en ligne. Irène, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça, ou c'est la faute à fatalité, pas de chance? Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Les méchants qui sont venus à Tam Tam lui ont donc donné un poison? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est comme ça. Nous avons eu l'histoire avec des vaches laitières, des vaches qui sortaient toutes les nuits, sauf l'hiver. À 5h30 du matin, nous les rentrons. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, pourtant la prairie est derrière la ferme, et on s'aperçoit qu'il y a trois vaches qui sont blessées. Hein. Une légèrement, la deuxième blessée près du pied, et la troisième coup vert dans le flanc. La troisième vache ne mange plus, nous appelons le vétérinaire. D'après lui, elle a le poumon perforé. La deuxième, quand on l'a traillée, il fallait toujours se méfier, comme elle avait été blessée près du pied. Mmh. La troisième, non, ça n'avait pas grand-chose. Mais voilà, on est venu pendant la nuit. Mon mari a été faire le tour le matin, vers les clôtures. Il y avait des fils détendus. On avait grimpé dessus, on voyait des traces dans l'herbe et dans les buissons. Vous avez su qui? Oh non, non, non, non. Nous sommes en bordure de route et d'autoroute. Donc voilà, est-ce qu'ils auront vu dans la prairie, parce qu'il y avait l'éclairage de l'autoroute, est-ce qu'ils voyaient? Mais venir dans un troupeau de vaches la nuit, des vaches qu'on ne connaît pas, il y avait un taureau aussi dans les vaches, il fallait être hardi, donc je ne sais pas ce que c'est pour les personnes, je n'en sais rien. C'est pas l'enquête à la place de l'enquête, mais on comprend que ça demande une fameuse dose d'audace et de courage. Vous êtes à Bleuny ce matin. On va marquer une nouvelle pause et puis dans un autre dossier, encore un animal touché, des démineurs professionnels qui font exploser un pigeon. C'était pas un colis piégé, c'est à Montigny-sur-Sambre après la pause. en télé sur la Une. Nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Pendant les foires au vin, que recherchez-vous? Des bons prix ou des bons vins? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce blé Côte de Bordeaux Château Les Charmis Vieille Vigne 2015 en 4 plus 2 gratis, soit seulement 3,99€ la bouteille. À découvrir absolument, parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Hier matin, la police de Montigny-sur-Sambre a fait sauter un colis suspect. À 9h30, explosion et des plumes partout. Le service de déminage vient de faire sauter un pigeon. C'était pas une bombe. Puisque la défense ne nous répondra que dans un mois, eh bien nous appellerons le vétérinaire qui est en charge du pigeon aujourd'hui dans un instant. D'abord, un dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Françoise de Jemel, ce sont les compétences des démineurs. Elle ne comprend pas comment, avec toute la technologie à leur disposition, les démineurs n'aient pas vu plus tôt que la caisse contenait un simple pigeon. Pour elle, ce n'est pas normal. Ça aurait pu être un bébé dans ce cas. Et les démineurs l'auraient aussi fait exploser. Bon, essayons de comprendre les éléments, mais sans démineurs donc, à moins que vous n'ayez un éclairage au standard, bien sûr. Le docteur Arnaud Jacquet, vétérinaire associé chez Carole Ovette, est en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. C'est donc vous qui réceptionnez le pigeon hier. Il arrive chez vous à quelle heure et dans quel état ? Il arrive dans la matinée vers 10h du matin, amené par deux agents de police. Donc, qui l'ont amené dans une caisse. Donc, on l'a regardé, il était multiple traumatisme au niveau principalement des muscles, des pectoraux. Donc, les gros muscles qui sont au niveau du sternum. Pas de lésion grave, mais par contre, il y avait plus un problème au niveau de son aile. Donc, on a fait une radio et il avait une fracture du cubitus. Quel est le topo que vous donnent les policiers en arrivant à ce moment-là? Est-ce qu'ils vous parlent d'une explosion? Est-ce qu'ils vous parlent d'une charge? Ils m'ont expliqué un peu, mais rapidement, parce qu'on était en consultation. Donc ils m'ont expliqué un petit peu que le pigeon était dans une caisse et qu'ils ont cru, vu les circonstances actuelles, à un colis piégé. Donc ils ont fait apparemment appel aux démineurs et voilà, mais... Votre avis sur les procédures habituelles de la police, on pourrait imaginer que cet animal, qui était soi-disant un colis suspect, saute et puis qu'on le laisse là, il y a une volonté de l'amener chez vous pour des soins, pour le sauver. C'est un comportement qui est fréquent, ça, que des policiers vous amènent? C'est pas rare que des policiers nous amènent, parce que bon, il y a quand même beaucoup qui sont, au niveau de la cause animale, qui sont pour justement amener des animaux blessés. Et en plus, comme nous, on est une clinique qui travaillons avec une SPA, ils ont vite tendance à nous apporter des animaux blessés, trouvés sur la route. Voilà. Vous connaissez le comportement de l'animal. Donc cet animal est dans une caisse, des gens s'approchent, des policiers, puis des mineurs. À ce moment-là, il est possible que l'animal soit calme, se taise et ne dise pas un mot, ou un pigeon, ça fait du bruit par nature? Ça dépend un petit peu dans quel état il est, dans la caisse, parce que parfois c'est des animaux affaiblis, parce qu'apparemment c'est un pigeon de concours, puisqu'il a une bague, donc c'est parfois des animaux qui, par un long vol, peuvent être affaiblis et donc n'ont pratiquement plus de force. Donc ici, nous, on l'a mis en cage et il reboit de lui-même et il se renourrit de lui-même, donc il est en convalescence, mais c'est vrai que on nous a déjà amené des animaux qui avaient des bagues de concours et qui étaient vraiment dans des états, à la limite comateux, tellement ils sont affaiblis par les vols. Et là, généralement, les colombophiles ne souhaitent pas spécialement les récupérer, parce que pour eux, c'est pas des des animaux vous, qui rentrent prisonniers. Donc, voilà. Vous avez vu sur le visage des policiers quelque chose de l'ordre du regret ou du gloops, on a fait une erreur? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du repentir? Je vais dire, bon, c'est le policier, un des policiers qui l'a amené est un client régulier, donc c'est déjà quelqu'un qui vient avec ses propres animaux. Et donc, oui, je pense qu'ils étaient un petit peu embêtés par la situation. Maintenant, dans le contexte actuel, et ce qui s'est encore passé à Charleroi, au commissariat central, peut faire comprendre ce type de réaction, peut-être excessive. On parle dans la Nouvelle Gazette Charleroi ce matin de 3 semaines de convalescence. 3 semaines ? Bah, la fracture va poser un petit peu de problèmes, mais c'est vrai que ça peut récupérer assez vite parce que le radius n'a rien, donc je veux dire, il devrait aider aussi à la consolidation de l'autre os en faisant attel aussi, donc voilà. Mais donc ça veut dire que cet animal vivra, c'est à la fin de l'histoire. Vous êtes docteur Arnaud Jacquet, vétérinaire associé chez Carole Ovette, les soins après l'explosion du pigeon qui n'était pas une bombe. On va vers les enseignements dans un instant. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Venez découvrir notre toute nouvelle gamme Honda et profitez des 20% de remise sur nos véhicules de stock. Du jamais vu. Portes ouvertes ce 10 et 11 septembre chez Honda Ring Motor. 02 524 16 14. Ring Motor, c'est vraiment très fort. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commence par le débrief question qui dérange dans les enseignements de ce matin. La police de Charleroi qui a donc fait sauter un pigeon. C'était pas une bombe. Sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, Zoé. Sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, où il y a actuellement 40 650 personnes qui font le débat, Benjamin. Dont Julie, heureusement que c'était un pigeon, nous dit-elle, et pas un bébé. C'est bien la preuve pour elle qu'il y a un souci de compétence. Depuis quand fait-on exploser un colis sans être certain de son contenu? Vous avez tout à l'heure choisi une conversation sur l'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a donc été scalpée, oreille arrachée, mamelle découpée. Dans les enseignements, la question du qui, vous avez répondu quelqu'un qui cherche de l'adrénaline et qui potentiellement est capable de passer à l'acte sur de vrais humains. Vous aurez noté l'ironie du sort ce matin, c'est la gentillesse de Tam Tam qui lui a coûté la vie. Souvent, c'est l'animal le plus docile qui se présente aux malandrins. Et puis, le témoignage de Florence, il y a quelques instants, qui nous a raconté la difficulté d'être tombé sur l'image de son poney. Ses enfants n'ont rien vu. Le poney aurait été empoisonné, il y aurait eu repérage. Là aussi, l'ironie du sort, l'animal avait été sauvé de l'abattoir. Au 070 233 46 6, Marion, la dernière personne à laquelle vous avez parlé. C'était Sonia de Durbuy. Sonia trouve que ce genre d'acte sadique fait peur. Quand il s'agit d'une vache ou d'un taureau découpé dans un pré, on sait que c'est pour la viande. Alors on peut comprendre que certaines personnes ont faim et n'ont pas d'autre solution. Ici, il s'agit de pur sadisme, mais Sonia le répète, ça lui fait peur. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur une maman poney mutilée. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Jacqueline de Gilly à 10h15. Pour Jacqueline, c'est forcément l'acte d'un détraqué et drogué. C'est un axe de personnes perturbées qui prennent des solutions, exemple, crack, des trucs comme ça qui ont le cerveau démoli et qui sont peut-être naturellement comme ça. C'est là un acte de barbarie, c'est un bien d'en parler et un mal parce que ça donne des idées aux gens. Parce que des agressions, malheureusement, ça a toujours existé. Ce sont toujours, malheureusement, les plus gentils qui se font agresser. Parce que les animaux farouches ne se laissent pas attraper. Mais les gentils, confiants, ils viennent. Des fous furieux, ça existe, malheureusement. Que ce soit par rapport à la sensibilité de l'animal ou par rapport à la personnalité de ce gars-là, c'est qu'il faut commencer aussi à se dire que des fous furieux, en général, ils s'exercent toujours sur des animaux. Oui, on a tué un être vivant faible et qui a des émotions. Nous, 45 ans avec des chevaux de personnalités différentes, de races différentes, comme dans les familles, on en a eu peut-être une dizaine, ils sont tous les 10 différents. Dans quel but on découpe les mamelles d'un animal? Ah, ça, et pourquoi est-ce que les Hutus et les Tutsis coupaient les mamelles des jeunes mères en Afrique? Pour arriver à mutiler un cheval comme ça, bon, soit on l'a fait dater, soit on aura employé des moyens de contention assez importants. Un cheval ne se laisse pas mutiler comme ça sans se débattre, ou alors c'est vraiment une bande organisée. Ça m'étonnerait qu'on aura endormi le cheval pour faire ça. Hein. Non, il a souffert. Et puis elle serait toujours vivante. Je crois psychologiquement, elle serait quand même ma tête aussi. Hein. Et voilà pour nos 2 heures de dialogue, 2e jour de la semaine. Chacun libre évidemment de se faire un avis. Vous commentez ça sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, qui est à votre disposition. Le commentaire, comme à chaque fois, avec fair play, élégance bien sûr. En attendant de voir ce que l'actualité de ce mardi nous réserve. À demain donc pour nos 2 heures de dialogue. Excellente journée tout le monde.